Il y a certainement des questions. Constant, attends d'abord. On sait qu'il commence d'abord par les questions. Donc, il prend deux ou trois questions selon que le Saint-Esprit va pour. Et puis, on voit quelque chose. Il est 8 heures dans 15 minutes. Comme ça, il va aller vite encore ce soir. Et puis, je vais encore titiller encore. D'accord? J'attends les questions. Garçon, s'il te plaît, quitte ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'un téléphone ne sonne pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit qu'un téléphone ne sonne pas. Oui, frère Constant, question. Oui, frère, ma question, c'est dans Exode chapitre 4. Oui. Verset 24 et 25. Ne me dis pas que tu me demandes pourquoi Dieu a attaqué Moïse et voulait le faire mourir. Justement, frère. Ne me dis pas ça. Il a dit ça à deux volets. Oui. Et quelle était la révélation lorsque Séphora a coupé le crocus? Oui. Et non, elle a coupé le crocus. C'est l'action qu'elle a faite. Elle a dit quelque chose après avoir coupé le crocus. Oui, c'est un époux. C'est-à-dire quoi? Plusieurs fois, je vous ai posé la question de savoir ceci. Moïse, en quittant l'Égypte, avait tué quelqu'un. Vous savez ça? Oui. Il avait tué un être humain. La loi qui va amener aux gens, c'est que vous ne tuerez point. Où est-ce que Dieu a justifié son péché? C'est la question. Je pose des questions chaque fois pour vous faire rentrer à l'écriture. Il dit, à cause... Il a fui l'Égypte, Moïse a fui l'Égypte à cause du fait qu'il a tué l'Égyptien. Et lorsqu'il est venu vers ses frères, ils étaient en train de bagarrer. On a dit que veux-tu nous tuer comme tu as tué ces Égyptiens? La Bible déclare que craignant que l'affaire se répande. Pas vrai? Oui. Il a fui. Donc il a tué. C'est un être humain. C'est le meurtre qu'il a fait qui fuit dans le désert. Pas vrai? Oui. Nulle part on ne voit nulle part où il a, son péché a été expié. Il n'a pas demandé pardon. Et c'est justement la personne qui va venir avec la loi en disant que tu veux nous tuerez. Oui. Ouais. Comment comprenez-vous quelqu'un qui dit. Vous ne tuerez point à tuer et qu'il n'y a pas d'expiation d'abord pour lui. Un frère Constant, vous êtes assez intelligent pour comprendre là où je suis en train de vous amener, d'accord? C'est un législateur. Oh, cette loi l'a dit, le huitième jour, vous devez circoncire les enfants. Lui n'a pas circoncis les enfants. Comment vous pourras-tu venir dire à quelqu'un que circoncisez votre enfant si son enfant n'est pas circoncis? Vous êtes assez intelligent, pas vrai? Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc les deux volets en réalité sont répondus. D'accord? Oh, les questions? Oui. Exode 7. Oui. Versets 13 et 19. Oui, mon frère. Je crois que la dernière fois, ça vous a bousculé à rentrer vraiment dans la Bible. Que Dieu vraiment vous bénisse. Rentrez seulement dans la Bible comme ça, de cette façon. La première question, frère. Oui. Pourquoi le pont qui apporta le soutien de l'Orient et celle qui l'a chassé de l'Orient de l'Occident? Bonne question. L'éclair va d'où à Ocan jusqu'à Paris dans Matthieu? Je ne sais pas d'où. Qui connaît au moins Jésus a dit que quand comme quand on dit où sera le Seigneur, il dit n'allez pas, si on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. Il a dit que ça va d'où à où? Quelle est la marche du soleil? L'Orient vers l'Occident. Comment l'évangile a commencé? C'est d'où? En Orient. Pousse encore davantage de recherches, d'accord frère? Avance, posez des questions. Ça va? Oui, pose la question. La Bible nous décrit les caractères et la conduite des diacres et des anciens. Oui. Mais par quelle méthode ou de quelle manière devons-nous les nommer? Par exemple, comme Paul, lorsqu'il est arrivé dans Acte 14, oui. 23, les anciens. Je voudrais savoir, étant rassemblé, sur quelle base on peut nommer les anciens. Bon, voilà une bonne question maintenant qui mérite une étude sérieuse. D'accord? Donc, j'aggrave ça ici, le temps de voir une question. Il y a une autre question derrière. Oui, pose la question. Les parents, il a posé la question, vous suivez ici, non? Dans Acte chapitre 14, il demande comment, du moins, la question de façon sommaire, c'est comment est-ce qu'on reconnaît les diacres et les anciens? C'est ça, non? Oui. C'est la question, oui. Pourquoi Paul a-t-il circoncis Timothée ayant participé à la réunion de Jérusalem au sujet de la circoncision? Donc, je cherche les questions, moi, mais je les trouve maintenant vrai. Ok. La Bible déclare que Timothée avait une double nationalité. On est d'accord? Son père était... Sa mère était... juive. D'accord? Voilà. C'est Eunice, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lis Actes chapitre 18. Enfin, ce que tu as dit là, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Tu lis Actes chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, et puis tu lis Galates maintenant. D'accord? Tu lis Galates. Or, la Bible déclare dans Galates, il a dit que Tite même qui était grec, n'était même pas obligé de se circoncire. Mais pourtant là-bas, il a pris Timothée, il a circoncis. Le verset ne s'arrête pas là-bas. Le verset, il dit à cause des juifs. Au moment où tu me poses la question, tu dis pourquoi l'apôtre Paul a fait circoncis Timothée. La Bible ne dit pas que l'apôtre Paul a fait circoncis Timothée pour rien. Tu comprends? Parce que c'est lui qui va écrire plus tard. Voilà encore nous, voilà encore avec ces choses-ci, mes chers. Remarque que toutes tes questions sont liées. Voici Moïse sur lequel tu as déposé les questions, qui a des problèmes par rapport à la loi qui va dire ce qu'il a d'être fait. Voici Paul de la même façon. Tu observes cela? Il va marcher avec quelqu'un qui, plus tard, va commencer à parler, cocher ses lettres. Et il faut que les choses qui sont écrites dans ces lettres-là ne soient pas en contradiction avec ce qu'il vit. C'est-à-dire les bergers doivent être le modèle du troupeau. D'accord? Donc on va revenir, cette question particulièrement va venir lorsqu'on va parler de ces choses-là dans les profondeurs par rapport à la circoncision. Mais maintenant, voici Timothée. Il prend Timothée, qui est grec. Parce qu'il est grec, parce que son père est grec, parce que c'est son père qui avait été juif, un juif, et sa mère grecque, ça ne serait pas, pas posé la question, parce que c'est le père qui engendre. Donc comme son père est grec, il engendre avec une femme qui est juive, Timothée est nécessairement grec. Parce qu'on porte la paternité de Dieu. C'est-à-dire que ton village, ton nationalité, c'est la nationalité du père. On est d'accord? Ok. Donc, on dit qu'il a fait circoncis Timothée à cause des juifs. Il n'a pas pris la décision de les circoncis. Maintenant, quand tu vas lire cette histoire, pendant qu'il monte à Jérusalem, il avait fait un vœu, il devait monter à Jérusalem. Paul lui-même s'est fait raser. On est d'accord? On dit que parce qu'il avait fait un vœu. Donc, ce sont les choses qu'on va revenir dans les détails là-dessus. Autre chose, quand les frères, vous avez remarqué que ceux qui étaient restés à Jérusalem, quand Paul est venu à Jérusalem, après avoir salué l'église, les anciens qui étaient à Jérusalem, là-bas, le mot ancien là-bas ne veut pas dire ancien au sens de l'ancien de l'église. Parce que dans la nation juive, il y avait les anciens. Quand on parle des ténors, les chefs de peuple, les chefs de groupement, d'accord? Quand ceux qui avaient obéi à la foi et qu'ils avaient cru, quand ils ont vu l'apôtre Paul venir, on a dit qu'une rumeur se répand sur toi. Il dit dans juste acte des apôtres là, qu'une rumeur se répand sur toi selon laquelle tu, dans les contrôles où tu sors, tu prêches qu'on ne bouise pas la loi de Moïse. Ils disent, que fait frère? Rase-toi tête et voici les gens qui sont avec toi, paye leur prix. Oui, c'est-à-dire que Paul devait aller au salon de coiffure. Il lui-même paye la dépensée parce qu'il y avait des gens qui sont spécialisés pour coiffer cela. Vous savez, n'est-ce pas? Paul devait, il dit, pouvoir à leurs dépenses pour qu'ils se coiffent aussi, pour qu'on sache que ce n'est pas vrai ce qu'on dit. Frère Paul l'a fait. D'accord? Après, il vient expliquer son comportement. Il est avec les juifs, avec ceux qui étaient sous la loi. Je me suis comporté comme étant sous la loi, quoique n'étant pas sous cette loi. C'est ce que l'apôtre voudrait dire par tous ces actes que tu as cités là. Vous saisissez, n'est-ce pas? Vous me saisissez? Quand vous lisez 1 Corinthiens, vous l'avez dit, avec les faibles, monsieur s'est fait faire pour gagner les faibles, avec les gens qui étaient sous la loi. Il a fait comme il était sous la loi. Ça lui a permis d'entrer dans le temps, parce que c'est l'ouverture pour entrer dans le temps pour faire. Pourquoi? Parce que si c'est coiffe, si c'est concis, ça ne change rien en sa chrétienté. Vous essayez? Mais c'est pour ça qu'il va par la suite prendre la lettre, il va dire que ces gens-là, ceux qui veulent que vous vous circoncisiez pour observer la loi de Moïse, ils veulent seulement nous arracher pour avoir ce lieu de gloire, pour se glorifier. Mais nous les résistons en face. Parce que plus tard, il va prendre une position par rapport à cela, que ni la circoncision, ni la circoncision ne reste, qui est quelque chose d'être de nous nouveau. Vous savez, n'est-ce pas? Donc là-bas, il avait le droit de le faire en tant que prédicateur. Il a l'autorité de dire non et de tenir. Mais pour ne pas scandaliser, il l'a fait. Si vous comprenez? Il l'a fait, pas que il fait maintenant comme je vois l'apôtre. Pourquoi il a fait comme ça? Désormais, ça a contenté les gens que ça doit contenter qu'ils sont sous la loi de Moïse. Donc, ça veut dire que l'apôtre, franchement, ce qu'on a dit de lui est faux. Mais c'est effectivement, il a dit clairement que je vous dis que vous qui vous flèvez, c'est conçu pour obéir la loi, donc vous êtes tenu à obéir toute la loi. Pas vrai? Donc, ça veut dire qu'il a fait ces choses-là pour gagner ceux qui étaient sous la loi. Alléluia. Voilà. C'est l'apôtre Paul là maintenant. Oh, maintenant, si on est en Christ, maintenant, si tu as ton garçon, si tu veux que tu le circoncis, tu le circoncis parce qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord? Donc, on va revenir en détail là-dessus, frère. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Il faut qu'on le puisse avec Constant, parce qu'il a un cahier là. Non, j'ai fini. Ok. Frère Mbok. Après, c'est sur verset 15, frère. Oui. Ceux qui étaient en face de Michel. Oui. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin. Oui. Ayant fixé les regards sur Étienne, son visage est paru comme celui d'un ange. Oui. À quoi l'aide le visage d'un ange? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit que le visage, le Saint-Esprit est de ce côté. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit est de ce côté. Il a envie de voir le Sanhédrin. Il a envie de voir le visage d'un ange. Il a envie de voir que ce qu'il est dans leur pensée pour voir ce qu'eux, ils sont en train de voir. Mais Étienne, c'est un chair. On dit le visage a été transformé comme celui d'un visage. Ça veut dire que Étienne avait été déporté dans une autre dimension. D'accord, mon cher frère? Alors, quand il va être transformé comme ça, il va commencer à dire des paroles. Le Saint-Esprit va commencer à parler au travers de lui. Parce qu'il devait glorifier Jésus-Christ là maintenant. D'accord, mon cher frère. Certaines choses à voir avec les formes d'anges, comment on peut... Non, ça n'a rien à voir. Les anges d'Athènes, c'est pas comme où ils ont capté ça. D'accord, mon frère. La question dit ange, je ne sais pas si là, sa forme de son visage était comme les anges qui ont quatre têtes et 10 cornes là et autres là. Et avec les... Jésus lui-même, vous savez qu'il a 7 cornes, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas de quel ange il ressemblait. Hein? Oh frère. Frère, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais que jusqu'à 7 cornes, non? Tu ne savais pas ça? non, mais peut-être c'est cette face des anges. Il y a des anges qui avaient les yeux partout. Peut-être il avait la face des anges qui avaient les 6 ailes, comme Esaïe chapitre 6. Donc on ne sait pas. Donc l'ange qu'on fait qui est beau comme ça, qui semble avoir la lumière, ça risque d'être Satan en premier lieu. Mm-hmm. Donc la Bible a seulement donné le renseignement que son visage lui paraît comme celui d'un ange. Point final. Donc, comme un ange, on ne sait pas. Oui, frère, aussi. Oui, mon frère Achille. Oui, frère, revenons un peu sur l'enseignement de la foi de Dieu. Oui. Il y a quelque chose qui nous trouve. La semaine, nous sommes quand aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc samedi, il y a des... Oui. Mm-hmm. La Bible nous révèle que Dieu a prédestiné des choses. Amen. Bon, moi, je me pose un tout petit peu de questions. Mm-hmm. Si Dieu a prédestiné toutes les choses, oui. Si dans le livre de chaque être humain est écrit sa vie, mm-hmm. est-ce que c'est forcément écrit, ça doit s'accomplir ainsi? Comme c'est écrit, c'est là, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Bon, maintenant, alors, la question, c'est que quel est donc le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu? Quel est le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu? Oui. Ok, c'est bon. Bonne question, frère. On va voir ça ce soir. Donc, on va enfoncer le clou pour tailler aujourd'hui. C'est Achille qui a dit qu'il avance. Il a dit que j'avance sur ce terrain. On est d'accord? Oui. Mm-hmm. Donc, c'est que ta question est bonne. Donc, je prends, je la garde avec toi pour le frère. Oui. Okay. La seconde question, c'est est-ce que Dieu fait quelque chose de nouveau aujourd'hui? Jamais. Ça pose donc problème. Oui. La Bible, Jésus-Christ, mm-hmm. avant d'entrer sur la scène, les premiers enseignements qu'il nous donne, il rectifie le monde, le jeûne, mm-hmm. la façon de demander, mm-hmm. la façon de prier. Mm-hmm. Il rectifie d'abord. Mm-hmm. Et il ajoute Dieu. Maintenant, il nous enseigne la bonne manière de demander. Oui. Maintenant, dans l'église de Laodicée, oui. il dit que nous sommes nus, nous sommes aveugles. Mm-hmm. Il dit qu'on devrait acheter de lui. Mm-hmm. Ça pose encore un problème. Si Dieu a tout prédestiné, mm-hmm. si chaque chose est écrite mm-hmm. dans le livre, si je me réfère sur les paroles de l'apôtre Paul, oui. qui dit que Dieu a mis dans le corps les membres tels qu'il a. Qu'il a voulu, oui. Ça veut dire clair et net que les yeux ne peuvent pas demander à marcher. Absolument. Parce qu'il n'est pas le pied. Il ne peut pas demander ça. Donc chacun devrait demander selon sa volonté. Amen. Je vais me référer directement sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit demander. Et on vous donnera. Après, il dit que tout ce que vous demandez selon ma volonté. Mm-hmm. Ça me pose un peu des amis. Oui. La même chose, chaque fois, de votre propre bouche, vous dites. L'église de Laodicée a besoin d'être revêtue du Saint-Esprit. Amen. Frère, si Dieu a tout prédestiné, oui. et si chacun des livres écrits sur l'homme doit être accompli tel, qu'il tel que Dieu, c'est à nous alors de demander l'Esprit ou c'est comment? Bonne question. Donc, ça meuble, il a bien introduit ce qu'on va voir ce soir. Prenez votre bic et votre crayon. L'église de Laodicée, la nécessité de la restauration du Saint-Esprit dans l'église. Allons-y, on va voir ça maintenant. Frère, la question, tu as bien planté sur le Saint-Esprit. On ne va pas voir autrement. Donc, on va répondre à tout cela dedans. Donc, la nécessité du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. La nécessité. Donc, suivez la façon que le frère a agencé la question et observez très bien comment on va la conduire ce soir. La nécessité du revêtement du Saint-Esprit. D'accord? La nécessité. C'est une nécessité absolue et vitale pour le chrétien. Donc, vous pouvez titrer comme vous voulez. Mais c'est le frère Achille, c'est le Saint-Esprit au travers de lui qui a demandé qu'on enfonce encore dans ce domaine-là. On y va, frère. Écoutez très bien. Remarquez comment notre frère nous pose la question. Il dit, frère Junior, par rapport à la prédestination, quelle est la position de l'homme? Est-ce que ce qu'on a écrit dans le livre de l'homme, dans chacun des livres, peut ne pas s'accomplir? J'ai dit non. Il dit, est-ce que Dieu fait quelque chose de nouveau sur la terre? Il dit non. Et maintenant, notre Seigneur Jésus qui est venu, il a corrigé des choses par rapport aux jeûnes, à la prière, ainsi de suite. Et il a dit, demandez, on vous donnera. Et il a dit, Dieu demande de demander selon sa volonté. Alors, si Dieu dit non à l'église de Laodicée, je vous conseille d'acheter de moi. Alors que c'est écrit, l'intention c'est ceci. Normalement, ce que Dieu a prévu, il va le faire. Et qu'on le veut ou pas, il va faire. Comment se fait-il qu'il y a l'église de Laodicée encore de demander afin qu'on lui donne des revêtements? Pas vrai? Ok, la question c'est ceci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'église, c'est l'église de qui? Encore. Qui l'a bâti? Ça règle le problème en réalité. Le problème est terminé là. Ok. Si donc l'église, c'est Jésus qui bâtit l'église, comme il a dit dans Saint Matthieu chapitre 16, il a prévu que les portes de ce jour des mondes ne préviendront point contre elle. Dans ce cas, pourquoi il dit à Laodicée que tu es aveugle? Misérable. Pourtant, il a dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Pourquoi il dit, voici, tu dis que tu es riche. Tu t'en es enrichi. Et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Il dit clairement que l'église de Laodicée ne sait pas ces choses. Et souvenons-nous, c'est l'église, c'est Jésus-Christ qui doit là-bas bâtir. Alors, comment Jésus-Christ en train de dire, bâtir quelque chose, en train de dire que ceux-ci ne comprennent pas ce qu'il en train de faire. Après, il dit à l'église que je te conseille d'acheter de moi. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà, donc on va voir tout cela ce soir. Donc, l'église, le baptême du Saint-Esprit, ou bien la nécessité du revêtement de la puissance d'en haut. On est d'accord, pas vrai? Donc, il faut qu'on aille par rapport aux constatations. Baissons la tête, prions, frère. Seigneur, alors que cette chose sombre est en train d'arriver sur le peuple, tu es sur le point, Père de gloire, de manifester ta puissance comme tu l'as promis dans par tes saints prophètes et les cris des apôtres. Seigneur, tu veux manifester ces fils du royaume qui vont manifester ta gloire en ces derniers temps, Père, pour faire tomber Babylone afin que nous soyons allés, que nous ayons dans l'enlèvement en ces derniers temps-ci par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rencontrer dans les airs. Alors que ces questions sont suscitées, Seigneur Dieu, tu as dit que chacune des fois qu'on posera la question, c'est toi qui parleras. Seigneur, il y a une nécessité. Viens, ô Dieu, et parle par ta parole aujourd'hui afin que nous soyons aguerris par rapport à ce que tu as nous de faire. Dirige-nous dans ta parole maintenant et conduis-nous, Seigneur, dans cette voie de la soif et de la demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Il y a un problème avec l'église. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que cette personne a un vrai problème. Il lui faut d'abord la solution du fait qu'il faut qu'il sache qu'il y a un problème. On est d'accord? Je recommence encore. L'église a un problème. Jésus, lui, n'a pas de problème. Jésus n'a pas de problème. Ou mieux, Dieu n'a pas de problème. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit, Jésus n'a pas de problème. L'église a des problèmes parce que c'est Dieu qui dit là-bas. Or, maintenant, il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, là, que je bâtirai mon église et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre. Il dit, c'est lui qui bâtit. Or, les pierres vivantes de cette église-là, ce sont des êtres que lui, il a choisis. Et quand il choisit, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, il dit que, et il a choisi, il a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, c'est lui qui choisit un corps. C'est lui qui place la personne dans ses membres. Et en plus de ça, la Bible conduit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. À chacun. Donc, Dieu te place à un endroit comme sentinelle. Et lui, il te communique les dons du Saint-Esprit comme il veut. Mais la Bible demande qu'on soupire. Et on réclame les dons spirituels. Donc, dis à ton voisin, tu fais partie du corps. Tu as un rôle à jouer. Voilà. Donc, je vais aller sur quelque chose pour que vous voyez. Observez, suivez méthodiquement ceci. Le frère a pris Matthieu chapitre 7, verset 7. Il dit, demandez et on vous donnera. Il dit à qui? À ses enfants. Ok. Sa parole dit parallèlement que la parole n'est même pas encore sur nos lèvres qu'il la connaît déjà entièrement, ô Éternel. La parole dit ça. Amen. Avant que je ne sois ici, regardez bien. Regardez bien. Avant que la chose qu'il va dire, il veut dire par la suite. Dieu savait qu'il veut dire ça. Il dit que ce qu'il veut vous dire là maintenant. Vous ne savez même pas ce qu'il veut dire. Regardez bien. Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire? Je vous aime. Ces mots, je vous aime, qu'il vous est venu dire là. Dieu savait avant qu'il ne dise que la terre soit, qu'il dirait ça à cet instant. Vous savez ça, c'est pas? Je recommence encore ça. Regardez encore ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez bien. Soyez calme. Le mot que quand il vient de dire, avant qu'il ne le dise, je sens de dire qu'il veut dire quelque chose. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Après, ça sort quoi? Soyez calme. Quand ça sort, soyez calme. Avant que soyez calme ne sort de ma bouche, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il savait qu'aujourd'hui, il serait là et ces mots sortiraient. Pas vrai? Dans ce cas, pourquoi il me demande? Il prend cet exemple pour vous dire, avant qu'il demande n'importe quoi à Dieu, il savait depuis l'éternité que je demanderais ça à cet instant-là. Dans ce cas, pourquoi il me demande donc que je demande? Là est le problème. Alors, ça touche donc la première partie de l'enseignement que nous avons vu premièrement que, quand Dieu a créé sa chose, la terre et tout ce qu'il veut, il n'était pas obligé de créer l'homme, mais il lui a plu de créer l'homme. On est d'accord. Deuxième chose, quand il a créé l'homme, il lui a confié un jardin. Ce n'est pas l'homme qui lui a demandé que fais-moi un jardin. C'est lui qui a décidé de créer le jardin. Il a choisi les choses qu'il devait mettre dans ce jardin-là, qu'il devait plaire à l'homme. Donc il a mis à l'homme les choses qui ont besoin de quelque chose ici dans ce jardin. Il a mis en même temps ses désirs et ce qui lui plaît. Sans le volonté, sans la volonté de cet homme. Comment frère? Le problème avant de créer. Absolument. Donc quand l'homme voit le jardin, il dit waouh, quelle belle fleur d'hibiscus. La fleur ne vient pas d'être belle. Il constate que c'est belle parce que Dieu a mis en lui que ceci est beau. Quelqu'un dit Dieu faisant toutes choses. Il a créé l'homme sans lui demander s'il le crée. Il a mis le jardin dans l'homme dans ce jardin sans lui demander. L'homme a constaté que c'était bon parce que c'est bon à Dieu et Dieu a mis ce qui est bon dans notre cœur. Dans notre vie, dans notre vie. De la même façon, c'est que si vous êtes de son enfant, de ses fils là, ce que vous allez lui demander selon sa volonté est planté en vous depuis l'éternité. C'est terrible. Alors, il ne s'agit pas juste de dire, oh Seigneur, je constate que c'est pour ça que les fils ne demandent pas selon les convoitises. J'ai dit les fils ne demandent pas quelque chose à Dieu selon la convoitise. Non, c'est selon le désir ardent. Et les désirs ardents sont des soupirs du Saint-Esprit qui intercèdent en faveur des saints. Les désirs ardents. Souvenez-vous bien de ce que j'en ai dit. Ne confondez pas avec, je vois un frère faire quelque chose, je dis, waouh, il faut qu'il fasse aussi de même. À l'instant où tu as vu quelqu'un faire avant que tu veux faire, ça c'est la convoitise. C'est pas bon. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que le cœur de l'homme est un puits profond. L'homme sage sait y. Il puise quoi là-dedans? Qu'est-ce que l'homme sage puise dans son cœur? Ça veut dire que ce que Dieu veut pour l'homme est planté. Par exemple, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme quoi? Donc l'être humain est mal comme ça. Il dit qu'il faut que je pense dans l'éternité. Il dit qu'il a mis, c'est Dieu qui a mis dans sa pensée. Donc il va tourner n'importe comment. Quand il va voir quelqu'un, un de ses voisins avec qui il marchait, meurt. Quand il va s'asseoir tranquille, ça va venir que si tu meurs là, tu vas aller. Donc le questionnement là est mis dans son esprit, qu'il le veuille ou pas. Beaucoup d'hommes cherchent comment à s'en sortir, ils boivent de l'alcool. D'autres disent que non, ils refusent de croire qu'il y a le néant. Que le néant. D'autres partent faire certaines choses pour dire que je suis immortel. Il essaie de se convaincre qu'il ne peut pas mourir. À la fin, qu'est-ce qu'ils font? Or, c'est la Bible qui nous dit que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, quand ils pensent de l'éternité, ce n'est pas qu'eux qui ont fait. C'est Dieu qui a mis ça que tu montes, tu descends. Quand quelqu'un a des soucis, on dit qu'il boit la bière, il fait quoi? Il noie son souci. Quand l'effet d'accord finit, le souci pas, les soucis sont encore là, il monte, il descend, c'est à l'intérêt de son cœur. Or, frère, la même chose que ces choses-là se présentent à nous, les fils sont comme ça. La Bible déclare donc, par exemple, dans 1 Corinthiens, vous pouvez commencer à noter, ça va commencer à sortir là maintenant. Dans le livre des 2 Corinthiens, au chapitre 4 et chapitre 5, la Bible déclare que nous savons que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une autre qui nous attend. Pas vrai? Il dit aussi, nous savons que si nous demeurons dans cette tente terrestre, si cette tente, cette habitation terrestre, nous demeurons loin du Seigneur. Il dit, nous soupirons, écoutez bien le mot, nous soupirons, désirant revêtir notre corps, notre domicile céleste. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, qui dit à cet homme-ci qu'il y a un domicile céleste? Qui lui dit qu'il y a un domicile céleste? Ou si qui dit qu'il va être là-bas? Le Saint-Esprit vient de lui révéler. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons commencer là-bas. Merci Père. 1 Corinthiens chapitre 2. S'il vous plaît, vous qui venez d'entrer, veillez que si vous avez un portable, qu'il ne s'allume pas. Et que quelqu'un ne distrait pas cet enseignement. Souvenez-vous du thème, la nécessité de quoi? Du revêtement du Saint-Esprit. Donc, je vais d'abord mettre quelque chose là. Il faut que je mette d'abord les jalons. Il y a dit quel livre, frère? Merci. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Permettez-moi de prêcher là. Vous avez noté? 1 Corinthiens, le chapitre... Maintenant, je vais lire quelque chose pour que vous voyez la fondation de ces choses-ci. Je viens de dire ceci. On soupire pour demander quelque chose à Dieu. Et il se pourrait que quand tu commences à soupirer, tu crois que c'est là où tu penses, alors que c'était à l'intérieur de toi. Le moment arrive, c'est moi qui commence à demander. Observons quelque chose là maintenant. Et j'ai cité 2 Corinthiens. Il dit que, mais qui a dit à cet homme-ci que nous avons un domicile? Il dit que aussi, si nous restons hors de dans cette chaise, tant que nous sommes sur la terre-ci, nous sommes hors du Seigneur. Mais nous soupirons à l'intérieur. Quelque chose à l'intérieur veut nous faire pousser. Il faut qu'on crie ici pour que Jésus vienne vite. Il faut qu'il vienne nous chercher, qu'on enlève ici. Parce que la solution de notre souffrance sur la terre, c'est que nous rentrons avec Jésus. C'est la solution. Si vous comprenez. La question maintenant que je me pose est, qui a dit à Paul qu'on a un domicile là-bas? Quelque chose lui a été révélé. Est-ce que vous comprenez? Alors, voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez. Pour moi, frère, je veux que vous suivez attentivement de votre Bible parce qu'on va toucher quelque chose là maintenant. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Gardez le verset 1 à l'esprit, parce que quand je vais fermer, je vais entrer détail après détail là. Pour que vous voyez la faute, ce qui empêche la puissance de Saint-Esprit de se manifester. D'accord? Le verset 1 commence à donner un aperçu. Le verset 1 du chapitre 2 commence à donner ce qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. Il dit que si quelqu'un vient en parlant la sagesse humaine, en apportant son intelligence, ça ne peut pas amener l'Esprit de Dieu à la sainte. C'est ce qu'il a dit. Regardez bien le chapitre 2, verset 1. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ici que pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc, il y a deux choses. Il n'est pas venu avec la connaissance humaine. Il est venu pour... Et le but, c'était annoncer le témoignage de Dieu. Donc, c'est le témoignage de Dieu qui amène le Saint-Esprit sur la scène. Pas la sagesse de l'homme. Verset 1. Souvenez-vous ce qu'on appelle parler, la nécessité de la puissance du Saint-Esprit. On pourra se poser la question, qu'est-ce qui a éloigné le Saint-Esprit et comment faire qu'il revienne? C'est la question, d'accord frère? Ok, regardez, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Vous avez vu ça frère? Vous avez vu? Donc quand il venait, il n'était pas là pour donner le coup de management. Or, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Est-ce que c'est ici? On va faire, regardez bien, écoutez très bien maintenant mes frères, regardez-moi attentivement. Quand on ouvre les écoles chrétiennes, on ouvre les basiliques chrétiennes, on enferme les gens pour les enseigner la règle morale chrétienne, ça n'amènera jamais la transformation. Il dit ça n'amènera jamais la transformation. Multiplier les écoles bibliques comme les bars, ça ne résoudra jamais le problème. Parce qu'il dit quelque chose ici, il dit que je n'ai pas eu autre pensée autre que Jésus-Christ crucifié. Donc celui qui il faut prêcher. Or, on va faire une école. On va enseigner la sociologie. On va enseigner la philosophie. Ça vient de Dieu, ça? Alors, on est en train d'abrutir les gens. Dis à ton voisin, on t'a abruti. Il faut qu'on chauffe ta pensée là pour que ça se décoagule. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est ces choses-là qui ont abruti les gens. Vous allez voir comment on va prendre les écritures tordre. Quelqu'un va parler de la Bible, citer Karl Marx. Parler de la Bible, citer Aristote. Qu'est-ce que les païens ont à voir avec les choses du crucifié? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Regardez l'apôtre Paul. Et pourquoi est-ce que j'ai... Merci Père. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage? Parce que c'est justement dans cette église que qu'on a eu la révélation des différents dons spirituels. Dans cette église du Corée. Et il a dit clairement le pourquoi le Saint-Esprit se manifeste au devant d'eux. Que quand il est venu pour mettre la fondation, voici le message qu'il a prêché. Alors, l'apôtre Paul n'a pas allé fonder l'école biblique. Notez Actes chapitre 18. Notez ça. Actes chapitre 18 aussi. Notez. Parce qu'on va y revenir là maintenant si le Seigneur le permet. L'apôtre Paul n'est pas allé à l'église à Corinthe fonder une école biblique. Il n'a pas fondé d'école là-bas. Vous me saisissez? Il n'a pas donné de cours spéciaux au pasteur. Il a dit, c'est quand je suis venu chez vous. Et c'est dans ce 1 Corinthiens qu'on parle des dons spirituels. Donc, voici les enseignements que l'apôtre Paul a prêché qui a amené les dons spirituels sur la scène. Vous saisissez? Alors maintenant, voici l'église qui se développe. Souvenez-vous, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça se développe. Plus ça se développe, plus ça perd la puissance. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose a été introduit qui n'était pas à l'original. Vous savez, c'est frère. Tant qu'on n'examine pas ces choses-là et qu'on met ça de côté, regardez bien. S'il y a une époque où normalement, si les choses étaient dans les normes, l'époque où la puissance du Saint-Esprit devait se manifester de façon incommensurable, c'est notre époque. C'est-à-dire que la Bible est dans le portable. La Bible est en audio. La Bible, sur les pantalons, vous voyez, j'ai choisi Jésus-Christ et toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, le message est prêché partout, les télévisions, la radio, c'est tout. Curieusement, c'est pas, plus on diffuse comme ça, plus le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Donc, il y a un problème. Vous et moi, nous allons aller ce soir toucher problème après problème, ce qu'il y a. Mais l'apôtre Paul, lui, il commence à donner des solutions ici. Il a dit que quand je suis venu chez vous, ce n'est pas par sagesse. Je suis venu pour donner le témoignage de Dieu. Et remarquez très bien, je vous dis, pour qu'on avance, que le témoignage de Dieu a amené les dons spirituels. C'est à l'église de Corinthe qu'il y a les dons spirituels. Ici, les dons spirituels là-bas. On est d'accord? Et c'est dans ce 1 Corinthiens 12 qui va parler des hommes maintenant que Dieu a mis chacun membre dans le corps. Le problème maintenant, c'est que les Corinthiens avaient les dons spirituels. Il y avait du désordre. Ils écrivaient pour mettre des choses en ordre. Donc, normalement, nous aussi, nous avons le désordre, la richesse, l'aveuglement, la nudité. Donc, c'est grave seulement. C'est un don spirituel. Dis à ton voisin, il nous faut un réveil. Vous cessez, frère? Cessez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, avançons. Donc, j'ai dit encore, le Saint-Esprit nous montre ici, au travers de l'écrit de l'apôtre Paul, que la sagesse humaine prêchée sur la scène est un problème déjà. La sagesse, c'est la connaissance. À l'instant où tu vas quelque part, en tant que chrétien, on te dit que comment former un bon leader, c'est déjà un problème avec Dieu. On ne forme pas les leaders chez Dieu. Dieu s'est choisi un corps. Il choisit un peuple. Il désigne qui doit désigner. Il donne ce qu'il a donné. Il envoie là où il va envoyer. Amen. Vous saisissez, n'est-ce pas? Il dit, le simple fait de réunir quelqu'un quelque part, les gens sont quelque part, les former pour qu'ils soient de bons leaders est un problème. Parce qu'on va les former en Syrie. Puis encore dans les écoles bibliques, je crois qu'il y a un pasteur qui a témoigné la dernière fois. Que tes premières années, il y a des gens qui sont les classes. Parce qu'il y a même le chef de classe là-bas. Qu'il y a des chefs de classe. Ça veut dire que ce chef de classe, tu barres, il met son nom. Peut-être vous allez donner les sacrifices là-bas des noms des bavards. Vous savez, frère. Souvenez-vous encore une fois de plus, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est lui qui bâtit. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est à lui qu'on doit consulter pour savoir ce qu'il en est. C'est lui. C'est lui. Il est, la Bible est claire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il dit qu'il est la tête du corps de l'église. C'est lui le chef. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit s'asseoir là-bas. Il est le chef. Tous sont les membres, sans exception. Tout le monde est membre. Tout le monde est membre. Sauf, seul Christ est élevé. Observez, ma frère. Quand vous regardez, observez tous mes membres du corps tels que je suis devant vous et vous-même. Observez, la tête est au-dessus de tous les membres. Amen. La tête, remarquez, regardez mon corps humain. Ma tête est au-dessus de tous mes membres. Tout le reste est en bas. Vous avez remarqué? Ainsi, le Christ est en haut, tout le reste est en bas. Alors, à partir d'ici, montre-moi qui est plus élégant que qui. Montre-moi. Qui est plus considéré que qui? Il dit, sur ma membre, mais voici, d'ici jusqu'en bas. Voici ma tête qui est en haut. Ça montre que ma tête domine tout mon corps. On est d'accord? Alors, en dehors de ma tête, montrez-moi qui est plus important ici en bas. Citez-moi. Qui est plus important? C'est la tête. Il dit à partir d'ici en bas. Jusqu'à ici. Qui est plus important? Tout le monde. Alors, d'où vient-il donc? On commence à s'ériger Archbishop, General Obasia. D'où vient-il? D'où est-ce que ça vient? Juste parce que les chrétiens, vous voyez, quelqu'un dit que, oh, quand on prêche ici, vous ne comprenez pas. Vous, les chrétiens ici, vous ne comprenez pas. Chez nous, quand on prêche, on veut essuyer le pied du pasteur. Parce que quand il parle, il faut que les chrétiens passent, ils portent leur Bible. D'autre façon, on les met les gardes du corps. Et les simples chrétiens vont s'agenouiller devant eux. Et ils s'appellent serviteurs de Dieu. Or, le serviteur de Dieu que Jésus a dit que vous, si vous êtes des grands serviteurs, pour vous soyez grands, il faut plutôt servir. Donc, c'est plutôt assez génial, on va essayer de venir essuyer votre pied. Ouais, les problèmes, n'est-ce pas? On a les soulever. Ce sont les choses qui ont caché la manifestation du Saint-Esprit. Pas que le Saint-Esprit n'agit pas, il agit toujours dans le silence. Donc, malgré tous ces brouhaha-là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est n'est-ce pas? Amen. Mais justement, il dit seulement pour que vous voyez là le mal, parce que la grande majorité des choses qui se passent, c'est plutôt le faux qui se trouve. Mais maintenant, il faut être humble seulement d'aller dans la parole, voir que l'église de la parole est différente de la parole qu'on prêche aujourd'hui par rapport à cette église-là. On y va? Ok, donc je vous donne Actes chapitre 18. D'accord? Ok, observez. Donc, dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul commence à nous donner donc les. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous donne déjà les flashs et des photos des problèmes qu'il peut y avoir pour empêcher la puissance du Saint-Esprit de se manifester. D'accord? Ok, maintenant, verset 3, il dit, regardez bien, regardez encore le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Observez encore la personne qui vient de parler. Il dit, frère, je ne sais pas si on peut me permettre de prêcher. C'est qu'il faut qu'on aille dans les profondeurs de ces choses-ci. La personne qui a de parler, c'est quelqu'un qui a plusieurs nationalités, qui parle plusieurs langues, qui est assez fréquenté. Et il dit clairement que quand il est venu au milieu de vous, je n'ai utilisé aucune de ces choses que j'ai apprises dans le monde pour vous parler. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il dit que la seule chose qu'il a, il savait, c'est au milieu de vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un point, un trait. Et souvenez-vous de ce que ça a dit. Cette prédication a amené les dons spirituels sur la scène. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je ne voulais pas parler dans le futur. Il dit cette prédication que l'apôtre Paul a parlé, il s'intéressait seulement sur Jésus, sur Jésus. Ça a finalement amené le Saint-Esprit. Ça a finalement amené le Saint-Esprit. Parce que si Christ est glorifié, le Saint-Esprit va sceller. Amen. C'est ça, frère? Ok, maintenant, avançons. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Écoutez bien. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vrai souligné. C'est terrible. Quand tu finis de souligner, tu te regardes quelqu'un à côté de toi. Dis que l'heure du blablabla est terminée. L'heure de je vois quelqu'un ici qui va avoir un jet privé est terminée. Le crucifié doit être présenté à la scène. Et il doit montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous saisissez? Il dit que moi-même, j'étais au milieu de vous dans la faiblesse. Parce que si quelqu'un vient, il est fort, Christ ne peut pas se manifester. C'est que c'est l'homme qui va se présenter. Alors vous voyez, quelqu'un prend le micro, dit, quand j'étais en Afrique du Sud, je me souviens quand je suis dans le Boeing 737, quand ça fait brrr, j'ai dit, oh, vous ne savez pas qui est dans l'avion. Vous vous souvenez? Alors frère, qui est en train d'être, de parler et qui est-ce qu'on est en train de présenter? On a de présenter qui? L'homme. On a de présenter l'homme. On a de présenter l'homme. On a de présenter. Merci Père, regardez là, c'est nous voilà. Regardez le verset-ci. Allons au chapitre 2 Corinthiens maintenant. Nous sommes au 1er Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Observons quelque chose avant de revenir ici. Notez seulement, d'accord, mes bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 4. Avant de revenir ici. C'est pour tout lui qui nous malasse comme ça. Ok, regardez, vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 4. J'ai dit quelque chose que les gens parlent dans l'avion, ils commencent à parler de l'avion. Subitement, le Saint-Esprit a dit, ah, donnez le verset. Allons-y seulement, verset 5. On va seulement lire ça et rentrer dans notre texte de base. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est frère. Il dit, nous disons, nous les apôtres, nous disons que nous sommes vos serviteurs. Donc nous sommes là pour vous servir, pas que vous nous servez. Ah, c'est terrible, frère. C'est terrible comme modèle du berger du Seigneur. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous. Quelqu'un se tient aujourd'hui. Il dit que, ah, quand on quittait d'Alabama à Atlanta, tu ressentais. Ils sont allés comme ça à l'ambassade, ils ont dit qu'ils ne donnent pas le visa. Ils ont dit que tu ne sais pas quel Dieu je sais. C'est tourné comme ça là. Elle était dans l'aveuglement. Elle a dit que viens prendre ton visa. On dit, wow, mon pasteur, tu parles. Il dit, alors, ces choses-ci qu'on a dit de dire amènent l'orientation des cœurs des hommes vers le terrestre. La prédication du crucifié, présenter Jésus-Christ vers la scène, amène l'amour de Christ sur le cœur de ces gens. Les gens ont la soif de connaître davantage la personne qui a été crucifiée, mort pour leur péché, alors qu'ils étaient des pécheurs. Et dans ces cas, attachent leur cœur vers des choses terrestres où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous êtes vraiment éveillés. Quelques-uns seulement. La prédication du crucifié. Présenter le crucifié à la scène amène l'amour dans le cœur de ces gens-là qui écoutent. Et ça pousse ces gens-là à comprendre que la personne qui est morte pour eux alors qu'ils étaient dans le péché, sans espérance, sans espoir d'en sortir, et amène dans leur cœur à rechercher davantage cette personne-là et à, par conséquent, le don spirituel où Jésus-Christ est assis à la droite des yeux dans les lieux célestes. Autrement dit, si je vous prêche des choses terrestres, vous allez désirer les choses terrestres. Amen. Par conséquent, si on te proche des choses terrestres, tu vas dire les choses terrestres. C'est pour cela que l'église, entre guillemets maintenant, est remplie des prédications de la vanité. Ça va tourner autour du mariage, du travail, du succès, de la prospérité. On ne dit pas que tu peux souffrir en Christ. Jamais. Ça, Christ a achevé ça à la croix. On ne dit jamais que Christ a tout pris, toutes les richesses à la croix. Jamais. On ne dit pas que Christ a tout pris, toutes les richesses. Allah, il a tout accompli à la croix, sauf prendre les richesses. Absolument. Donc, pour les souffrances, il a pris. Mais pas les richesses. Or, souvenez-vous de ceci. Vous ne pouvez pas être regardant dans deux directions qui sont contraires. Les chrétiens sont appelés à regarder en haut et non sur la terre. Frère, essayez avec moi. Fixez votre regard sur le plafond. Ce n'est pas possible que vous fixez votre regard là-bas et vous regardez encore en bas. À l'instant, vous enlevez vos regards de l'un pour le mettre dans l'autre. Vous avez abandonné l'autre. La Bible donc exhorte donc les chrétiens, les croyants, dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous sommes en train de voir la nécessité de la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire qu'on regarde là où les problèmes ont été et puis on recorrige la chose pour que les choses se passent normalement. D'accord, frère? Donc, l'apôtre Paul dit dans ces 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc, ça veut dire que prêcher soi-même, tu ne peux pas prêcher en même temps toi, en même temps Jésus. Parce que ce n'est pas nous qui faisons l'affaire, c'est Jésus qui doit faire la chose. Nous sommes? Parce que c'est son église. D'accord? Donc, maintenant, rentrons dans notre 1 Corinthiens, chapitre 2. Il dit, et moi-même, j'étais au milieu de vous, dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours concernant la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, le but pour lequel, écoutez très bien ce qu'il dit par la suite là-bas, il dit, le but pour lequel la prédication est de cet état-là, pour que ces choses se passent, il faut que le prédicateur soit faible. Première chose. Deuxième chose, il faut que son intelligence ne fasse pas obstruction. Troisième chose, il faut que ce ne soit pas lui qui est en train de prêcher. Quatrième chose, il faut que ce soit la puissance du Saint-Esprit qui soit derrière le message. Cinquième chose, il dit que afin que votre foi, regardons le verset suivant, regardez le verset, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Église a chuté. Pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la branche visible de l'armée du ciel. Amen. Vous savez? Dieu a deux armées. Il y a la partie invisible, qui sont les anges. La partie visible, donc terrestre, c'est l'Église. C'est dans Colossiens chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 6, on dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances ténébreuses. Pas vrai? Donc les chrétiens sont en lutte. Alors à Timothée, il va dire que comme un bon soldat de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ça dit que les chrétiens sont des soldats et pas n'importe quel soldat. Dans cette guerre-ci, les erreurs ne sont pas permises. Est-ce que vous comprenez? Dieu, donc, lorsqu'il était sur la terre, il a dit que j'ai bâti mon église et les portes de celui de monde ne prévaudront pas contre. Et donc, le but pour lequel bâtit l'église, c'est pour aller en confrontation avec la main adverse. D'accord? Donc, alors ici, c'est puissance contre puissance. Donc, il n'y a pas place dans l'église sans le Saint-Esprit, sans le revêtement de la puissance. Parce que quoi? Si tu pars sur le terrain de la philosophie, de convaincre par le mot, Satan est rusé. Il dit donc que le but pour lequel je suis venu vers vous, c'est que la volonté de Dieu, c'est que je suis en train de paraphraser maintenant pour que vous saisissiez le plein sens de ce qu'il a dit ici. Il dit, le but pour lequel je suis venu vers vous dans un état de faiblesse, c'est pour que vous ne regardez pas en moi, que vous sachiez que moi et vous, nous sommes de la même nature. Mais j'ai présenté quelqu'un qui est assez puissant. Et je l'ai présenté, il s'est manifesté dans la puissance du Saint-Esprit, afin que vous voyez, souvenez-vous, c'est au grec qu'il a dit de parler. Avant qu'il ne prêche, je vous donne Actes chapitre 18. Je peux avancer. Dans Actes chapitre 18, vous allez remarquer qu'il va venir à Corinthe. Oh, arrêtons ceci. La Bible déclare, Corinthe c'est une ville dans l'Achaïe, donc c'est la région grecque. La Bible déclare que tous les Grecs passent leur temps à écouter les journaux et les discoureurs. Donc ça veut dire que les stoïciens viennent prêcher autre chose. Les autres personnes viennent prêcher autre chose. Ils passaient tout le temps, ils n'avaient rien à faire. Ils passaient seulement, il y avait un endroit, on appelait l'aéropage là, à Athènes par exemple, où les gens ils venaient là-bas, ça soit Platon a prêché là-bas. Socrate a prêché là-bas. Vous me saisissez. Il restait là-bas, il parlait des discours, il vivait les discours. Les gens, on dit que tous les Athéniens ne passent le temps qu'à écouter les discours, donc ils sont habitués. Alors, quelle est la différence entre ce que Paul va se tenir là-bas parler et les autres? Quelqu'un dit la puissance. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit que l'heure de blablabla est passée. C'est l'heure de la manifestation de Jésus. Jésus doit venir là à ça. C'est n'est-ce pas? Alors, il dit que je ne suis pas venu à vous présenter une sagesse. Parce que s'il venait à vous, il présentait que. Est-ce que tu sais que l'intelligence humaine est formée comme la banane tordue? Pourquoi ça donne la réflexion? Vous allez réfléchir là-bas, ça ne vous donne pas la vie. Il est venu montrer que quelqu'un d'immortel est venu mourir pour les mortels afin qu'il les rende immortels. Et il a prouvé. Alors quand il a commencé à les expliquer à ces grecs-là, il a dit que c'est Dieu-là dans les temps avancés. Vous savez, dans ce chapitre 17, il va avancer jusqu'à il a parlé de la résurrection. On dit, ok, on voit ton discours, tu n'as pas de discours là, passe ta route avec. Ils sont partis. Mais il a présenté Jésus-Christ à la scène. Vous savez, n'est-ce pas, que Dieu a fixé un jour, il va juger les hommes par l'homme qu'il a ressuscité dans tout le monde. Quand ils ont entendu ressusciter, donc tout le discours s'était terminé là-bas. Or, ils disent clairement que je n'ai pas eu autre pensée autre que Jésus-Christ est crucifié. Donc, quand bien même que les gens ne voudraient pas entendre la résurrection, c'est la résurrection qui est la solution de l'humanité. Amen. Quand bien même, certaines personnes n'acceptaient pas la résurrection, le fait que la pensée que l'homme doit ressusciter, il y a quelqu'un qui va le ressusciter pour le passer en jugement, même s'il n'accepte pas ça. Il n'en demeure pas moins que c'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes. On dit que pour les hommes, c'est une folie. Mais pour Dieu, c'est la puissance pour être sauvé. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc l'homme est sauvé par la prédication de la folie de la croix. Comment l'homme résiste, dis-moi? Comment on va résister? Comment? Cette question-là, Dieu a rabaissé ça au sens de la folie. C'est frère. Est-ce que vous savez juste ce que je dis? Alors l'apôtre Paul dit que je ne suis pas venu vous prêcher par la sagesse. Je ne suis pas venu donner les discours d'intelligence pour vous deviner les mots et les grammologies. Il dit que le but pour lequel il a fait ça, c'est pour que vous sachiez que le Dieu qu'il sert est un Dieu puissant. Il se manifeste dans la puissance. Et lorsque le Saint-Esprit est venu à la scène, il a donné le don spirituel, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous êtes frère? Qu'est-ce qui a amené le Saint-Esprit? Je recommence. Qu'est-ce qui a amené le Saint-Esprit à la scène? Il a dit que pour que vous ayez le don du Saint-Esprit, fréquentez assez davantage, apprenez beaucoup de choses de Dieu. Voilà. C'est une erreur donc d'aller se former dans les écoles bibliques pour croire que quand tu vas se former, tu seras efficace à l'œuvre. Il dit que j'étais au milieu de vous, je n'étais pas là comme si je connaissais cette chose, j'étais dans l'état de faiblesse. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Ça veut dire que quand il regardait les gens érudits là-bas, les gens étaient tellement outillés avec les discours de philosophie, ils ne savaient pas comment faire. Et donc, quand il était dans l'état de faiblesse, c'est ici. Quand il était dans l'état de faiblesse, qui suis-je pour aller parler dans les grandes personnes, les érudits comme ça, comme le Platon et autres? C'est alors là que la puissance de Dieu s'est élevée. Alors, qu'est-ce que les gens font? Non, je connais les professeurs, les docteurs. Non, c'est comme ça que les gens raisonnent avec Dieu. Non, Seigneur, tu sais que pour que je puisse parler au docteur, il faut que j'ai le docteur. Comme ça, quand ils vont me voir que j'ai le docteur, ils vont savoir que j'ai fréquenté. Quand ils vont savoir que tu as fréquenté, c'est toi qu'on a dit que tu as le prêcher. Alors, quand quelqu'un va regarder que bah, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à la cible, il se tient là, il dit que repentez-vous avec assurance, il regarde les docteurs qui ont le cravate. Ils vont dire que, mais on va voir l'assurance par laquelle il parle. Il dit que non, c'est pas normal que quelqu'un de cette statue s'y parle aux gens sans avoir froid aux yeux. C'est ça qui va les amener à la curiosité, le Saint-Esprit soit assez présenté. D'accord? Donc, l'éducation chrétienne est un problème. Il faut une repentance réelle à l'église et qu'on meure à soi-même, que Christ soit glorifié dans les corps. L'éducation chrétienne, la formation chrétienne est un problème. C'est-à-dire que si je me mets ici à vous dire que ne forniquez pas, ne buvez pas, Bouddha, Confucius disent les mêmes choses. C'est n'est-ce pas? C'est la règle morale. Vous me saisissez, ne commets pas adultère. La loi du Cameroun dit que si tu commets adultère, on t'arrête, tu es punissable. Quelle est la différence entre la loi camerounaise et ce qui est écrit? C'est moral ça. Il s'agit de la divinité dans le cœur. La puissance du royaume se manifestant sur la terre dans un corps putréfié de la sorcellerie, de l'adultère, de la superstition sur cette terre. C'est en ce sens-là qu'on doit être les seuls. On n'est pas dans les seuls en bavardant. On est les seuls en vivant la vie de sainteté au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous vivrons irrépréhensiblement dans la paix, dans la sanctification et dans la pureté. C'est la différence. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas je ne fais pas, je fais, c'est une vie. C'est-à-dire que ça coule. C'est-à-dire ça, pour que ça soit comme ça, il faut que dès le départ, Christ ait été présenté et qu'il soit entré. Quelqu'un a encore dit la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Ok, on avance là. Donc il dit donc, quand il a prêché ces choses-ci, c'est afin que notre foi, regardez bien le but de ça, ça suppose donc encore ceci, frère, c'est pas moi qui vous en ai parlé. Je regarde seulement la parole là-bas et vois. Le verset 5 dit que, le verset 4 dit initialement que, il a prêché comment? Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il n'a pas pris des choses comme ça, comme les gens disent que, car cette semaine, si on a fait trop de Congossa, il faut qu'il prêche sur le Congossa. Vous comprenez? Il ne médite pas ce qu'il va dire. Il dit, pas sur les discours persuasifs, celui-là seulement, il faut qu'ils perçoivent ces gens, ce qu'ils vont comprendre, qu'ils ont tort. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit quoi? Il dit, mais sur la démonstration. Que veut dire démonstration? Ça veut dire que parler est prouvé. Mettre en évidence. Il dit, la démonstration d'esprit et de puissance. Après, il dit, afin, le but que ça s'est passé, c'est que afin que votre foi fût fondée, bâtie, que le début, souvenez-vous ceci, que le début fut fondé non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc l'église va être une église de puissance. C'est ça, n'est-ce pas? L'évangile lui-même est puissant. L'évangile lui-même est puissant. Parce que les cohortes de l'enfer ne peuvent rien contre la parole du Seigneur. Vous me suivez, bien-aimé? Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? D'où vient-il que quelqu'un va porter cette Bible entre ses mains, venir vers vous, vous prêcher que non, nous croyons en Dieu et la Bible. Et ils disent que non, l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus comme au temps des apôtres. Vous pensez que qu'est-ce qui l'a amené à cette conclusion? Sa foi a été basée sur la sagesse des hommes. Parce qu'on lui a inculqué cette sagesse, c'est-à-dire que non, Dieu est bon, c'est-à-dire la morale. Est-ce que vous comprenez? Sa foi n'a pas été fondée sur la puissance de Dieu. Par conséquent, il a cru le mensonge. Or, la fondation de l'Église, c'est la puissance. L'église est en guerre. Et cette guerre-là, ce n'est pas intelligence contre intelligence, c'est puissance contre puissance. Alors, si l'église est sur la terre, et tant que l'église sera sur la terre, Dieu va toujours remplir son église de sa puissance, parce que tant que les cohortes de l'enfer sont là pour faire la tentative de heurter l'église, Dieu est obligé de répondre de puissance à puissance. Si vous comprenez. Alors, là, le niveau d'apostasie dont nous parlons, dont notre Seigneur en a parlé, il n'y a pas de possibilité de résister en disant qu'il faut que j'observe ces choses. Observe. Parce que si je me mets ici à citer les apostasies, pendant que je t'en ai parlé maintenant, c'est temps de créer d'autres apostasies dans quelque part qu'il ne connaît pas. On est d'accord? Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas étudier ce que l'ennemi est en train de faire, c'est être avec le Créateur pour que lui te protège de ce que l'ennemi est en train de faire. D'où la nécessité de la revêtement de la puissance. Encore, d'où la nécessité de le revêtement de la puissance. Voilà. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, donc on est avancé doucement. Or, l'apôtre Paul dit donc que, et sa parole et sa prédication ne reposaient pas. Donc, il ne prenait pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Souvenez-vous de ceci, le but qu'il a fait ça, c'était afin que notre foi fût fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Question, qu'avons-nous reçu au commencement de notre croyance? La sagesse humaine. Dis à ton voisin, la sagesse humaine n'amène pas au revêtement de la puissance. Si quelqu'un peut dire le contraire, alors tous les écoles bibliques, les pasteurs devaient sortir, devaient être remplis du Saint-Esprit. Par conséquent, on devait bouleverser tout le monde entier. C'est Paul et Silas qui entrent en Asie. On dit deux hommes, deux, sans micro, sans publicité, sans campagne d'évangélisation, sans les affiches posées quelque part. On dit qu'il a bouleversé le monde. Je dis que je suis dépassé, je vous le dis. À moi, ce qu'on ne fait pas dépasser. Il dit, moi, je suis dépassé. Deux hommes bouleversent. Ils entrent dans la ville. Ça a amené la protestation, les grèves. Et ici, les gens grèvent parce qu'on a augmenté l'essence. Le prix du carburant. C'est pour ça qu'ils sont dans les rues. Les gens grèvent parce qu'on a augmenté le taux d'électricité. Ils vont le faire, quand même, de toute façon. Les gens vont gréver parce qu'on a augmenté telle ou telle chose. Ici, les gens grèvent parce que deux ont été entrés dans la ville pour prêcher contre leur divinité. Qu'est-ce que ça vous fait, là, mes frères? On dit, voici ce qu'ils ont dit. Ils disent que ces hommes, ils ont bouleversé le monde entier, sont aussi venus vers nous. Donc, ils ont terminé par tous et sinon la prochaine mission. Alléluia. Amen. Je pose la question. Bouleversait-il le monde à travers de la prédication d'une sagesse? Non. N'est-ce pas faire la puissance? Voilà. Dis à ton voisin, il faut qu'on se réveille. Alors donc, si deux hommes bouleversent le monde entier par la prédication de la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous avons des grands hommes de Dieu. Quand tu l'appelles apôtre, non, ce n'est pas seulement apôtre. C'est apôtre, révérend, pasteur, docteur, prophète. Donc, il a l'onction de tous les quatre, là. Et ils sont comme ça, des milliers. Quand vous voyez, observez seulement les séminaires, vous allez voir là-bas, chacun sur sa chaise, comme ça, là. Tu demandes, celui-ci est apôtre en vertu de quoi? Observez son ventre. Ventre boulimique, rempli des dîmes et des offrandes qu'il a avalées. La Bible déclare que ce serpent fuit le Léviathan, il va vomir tout ce qu'il a mangé. Alors, je ne sais pas si vous lisez la Bible, vous êtes confronté à cette frustration. Deux hommes bouleversent le monde entier. Nous avons, dans cette ville des Douala particulièrement, des grands hommes de Dieu terriblement. Ils font même souvent leur propre prière, leur propre réunion, dit que réunion des intercesseurs, réunion des, vous appelez, réunion de tous les pasteurs des églises pentecôtistes. Ils se réunissent quelque part, ils prient. Il y a une prostituée devant là qui attend un client. Ça ne dit absolument rien. Dis à ton voisin, il y a un problème. Donc, les théories humaines, les constructions humaines, la sagesse humaine, les institutions humaines ont pris la place du Saint-Esprit. Alors, pas étonnant qu'on va créer les ambassades du Saint-Esprit. Qui connaît l'ambassade du Saint-Esprit? Donc, vous avez besoin de visa pour aller au ciel. Allez à l'ambassade du Saint-Esprit. Ambassade du Saint-Esprit. Quand tu viens à l'ambassade du Saint-Esprit, on te dit que va acheter le livre La plénitude du Saint-Esprit. Tu lis ça, quand tu vas finir le livre, là, tu auras la plénitude du Saint-Esprit. Lui-même, avec lui et sa femme, n'ont pas d'enfant. Ils prient depuis, ça ne marche pas. On est allé à une direction. Dieu va bouleverser ce pays. Dieu va bouleverser ce monde. Je peux regarder dans le futur et voir effectivement un seul peuple vraiment courageux se pointant devant des gens, prêchant la puissance de la parole de Dieu et des genoux fléchissant dans les rues et manifestant la gloire de Dieu. Je vous le dis, c'est devant vous. Il dit, je vous le dis. Il dit, ici, la pluie, les torrents ne peuvent pas arrêter ceux qui sont devenus. Ça ne peut pas arrêter. Vous savez ça? Donc, que vous l'admettez ou non, Dieu va tuer ceux-là pour qu'ils meurent d'abord à eux-mêmes, afin qu'ils soient des kamikazes pour le règne de Dieu. Ça arrive. Donc, vous que voulez vous marier là, préparez-vous. Peut-être que vous pouvez tomber sur un mari qui est comme ça. Il dit sa parole et sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs qui enseignent la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Hébreux chapitre 2. Hébreux, le chapitre 2. L'Église, il n'y a pas deux choses dont nous avons besoin. Il n'y en a pas deux choses. Je recommence encore, frère bien-aimé, soeur bien-aimée. L'Église n'a pas besoin de deux choses maintenant. Nous avons besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. En effet, c'est ce Saint-Esprit-là, comme nous sommes, ne fermez pas ce livre de 1 Corinthiens, nous y voilà. Je ne dis pas quoi, ça se trouve là-dedans. C'est ce Saint-Esprit-là qui peut nous garder de n'importe quoi. Hein. C'est ce Saint-Esprit-là qui est notre gage, notre héritage. C'est ça qui va nous amener dans l'avènement. C'est le Saint-Esprit qui nous assure clairement que nous avons la pleine rédemption quand Christ va venir, parce que c'est les arts de l'esprit. C'est ce Saint-Esprit qui nous préserve des méchants. C'est ce Saint-Esprit qui nous révèle les pensées de Dieu, les choses de Dieu nous concernant les autres. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne notre place et notre rôle dans le corps. C'est ce Saint-Esprit qui veille sur nous. C'est ce Saint-Esprit qui nous console. On l'appelle le consolateur paraclet. Vous essayez dans nos afflictions. Nous avons besoin de cela. S'il n'y a pas ça, vous allez vous faire n'importe comment, vous allez voir les chrétiens vivre une vie extérieurement religieuse, mais à l'intérieur, quand ils s'assoient seul à seul avec eux-mêmes, il y a la tristesse dedans. C'est-à-dire que quand on est au milieu de nous comme ça, quand on suit une bonne prédication, on est galvanisé. Mais quand on reste seul à seul, le vrai nous à l'intérieur commence à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis sûr que je suis sur la bonne voie? Ces questions-là montrent que tu as besoin de quelque chose à l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit vient mettre le cachet sur ton assurance. Que si Christ venait maintenant, tu peux attirer. Donc l'Église en a vraiment besoin maintenant. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si le Saint-Esprit vient là, on ne peut pas te déjouer. On ne peut pas te donner les faux enseignements. Parce que lui, à l'intérieur, te dira que ce n'est pas moi qui ai dit cela. Nous avons besoin plus en ce temps-ci que toute autre période. Parce que c'est la période sombre de l'histoire de ce monde. La période où l'apostasie entre en scène et va grandissant. La période qui va pointer l'homme impie dont Dieu s'en parle. L'Antichrist enseigne. Il va venir avec toutes sortes de manifestations de la puissance. Donc, pour séduire, si c'était possible, même les élus. Donc, imaginez quand quelqu'un n'a pas la sainte Christ, il va se poser devant Satan, croire que c'est Jésus. L'Église a besoin de l'arrêtement de puissance. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Écoutez très bien. Il va les versets 2 à 4. D'accord? Hébreux chapitre 2, les versets 2 à 4. Car si la parole, je ne sais pas si vous y êtes déjà, si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, aidez la personne à ouvrir. Regardez après moi. Car si la parole annoncée par des anges, je dis Hébreux, chapitre 4. Si vous avez ma Bible, ça se trouve dans la page, ça se trouve dans la page 1217. Si vous avez la même Bible que moi. Donc dans la page 1217. Hébreux chapitre 4, chapitre 2, verset 2 à 4. D'accord? Hébreux chapitre 2, verset 2 à 4. Ok, maintenant je lis. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Vous y êtes? Écoutez bien maintenant. Dieu appuyant quoi? Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit que dans ce verset 1 que je vous ai dit aujourd'hui, il a dit que ce n'est pas par la sagesse, mais c'est pour que je vous annonce le témoignage de Dieu. Il dit que Dieu appuyant leur témoignage par 1, 2, 3, 4 et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Vous avez encore vu, frère? Donc il n'y a pas de prédication du royaume sans la manifestation du Saint-Esprit. C'est que c'est la littérature. C'est que ce n'est pas différent. Ce qu'on appelle le christianisme est différent de l'autre religion, c'est parce que c'est Dieu qui agit dans l'homme. C'est Dieu qui vient dans l'homme pour faire son œuvre. La différence entre la chrétienté, le christianisme, si on peut appeler ça ainsi, c'est que c'est Dieu qui vient à l'œuvre faire ce qu'il lui il veut. Avec les autres, c'est les gens qui essaient de faire quelque chose pour essayer de contacter Dieu. C'est différent, frère. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 21, la partie B, que qui osera de lui-même s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas venir vers Dieu. Tu ne peux pas. La preuve, l'apôtre Paul a dit que Dieu, dans les temps passés, a voulu que les gens le cherchent par ta tombe, quoi qu'il ne soit pas loin de nous. Donc, on le cherchait comme ça, il était à côté, personne n'a trouvé. Vous saisissez? Donc, ça veut dire que de toutes les façons, tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas trouver Dieu tant que lui-même, il ne vient pas te révéler à toi. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, dans la vie chrétienne, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie où le Seigneur lui-même se manifeste dans des corps. C'est les autres, on utilise les techniques les techniques de, comme on a vu ici, la Kundalini, monter des chakras pour pouvoir monter à l'état de Dieu, pour trouver, être dans une même conscience avec l'universel. C'est pas comme ça. Ça, c'est le satanisme. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Il est venu la dernière fois sous la forme Emmanuel, nous sauver. Il allait s'asseoir là-bas dans les lieux célestes. Il a envoyé le Saint-Esprit qui prêche cet évangile. Et on dit que chaque fois qu'on va prêcher, il est censé confirmer. Alors, pourquoi à un moment donné, il ne confirme pas? Parce que l'homme a mis sa sagesse. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit depuis le départ. C'est-à-dire que si on prêche quelque chose en dehors de lui, il ne peut pas se manifester. Alors frère, je vous pose donc la question. Si quelqu'un vient donc sur la scène, ne prêchant pas Jésus, présente ses livres qu'il a fait, que acheter ceci, vous allez avoir l'onction pour le mariage. Ou bien mettez l'huile là-bas, que vendez cette huile. Et que quelqu'un prend l'huile dans la salle, il commence à boire directement. Vous entendez, vous avez vu? Voici la preuve qu'il y a l'onction là-bas dedans. Qui est en train d'agir? C'est la question seulement que je pose. Qui est en train d'agir? Vous pouvez me répondre là? Non, je dis, quand on prend l'huile, quelqu'un dit, prenez cette huile ici, vous allez avoir le succès. Il a écrit sur l'huile là-bas, l'huile pour multiplier au centuple. Tu prends, quelqu'un prend, il pas boire. Pendant qu'il a parlé, quelqu'un boit, il tombe là, il vomit, les choses sortent. Il dit que je suis libéré. Qui est en train d'agir derrière cette huile? Donc faisons attention. La Bible déclare que le Seigneur appuyant les témoignages de ceux qui annonçaient l'évangile par divers signes tels qu'on a signé là-bas. Et Jésus avait dit ça dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, en mon nom, ils feront de telles choses. C'est ce qu'il a dit. Donc dès le départ, il faut la croyance. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la prédication, ce soit Jésus qu'on a prêché, qui soit le central. Si c'est autre chose, c'est une autre personne qui va se manifester. Parce que c'est même Paul-ci, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il va dire que si on peut vous prêcher un autre évangile, vous pouvez recevoir un autre Jésus, un autre esprit. Donc il y a un autre Jésus sur la scène. Il y en a un autre Jésus. Les satanistes savent bien de quoi ils sont de parler. Les francs-maçons catholiques ont leur Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible dont on parle. Je vous le dis, frère, vous ne saviez pas peut-être ça. Vous saviez ça? Donc, ça veut dire la Bible, de toute façon, je laisse dans les choses. La Bible dit qu'il y a un autre Jésus qui peut être prêché. Il y a un autre évangile qu'on peut être prêché. On peut recevoir un autre esprit en dehors de l'esprit de Jésus. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Alors, si le Saint-Esprit vient chaque fois sur les gens, ça va conduire les gens vers la parole. Ça va indiquer Jésus. Ça ne glorifiera jamais l'homme. Il n'y a pas de verset de l'Ézéchiel qui dit que le Saint-Esprit va venir glorifier l'homme. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus et Jésus-Christ tout simplement. Vous me saisissez, frère? Donc, alors. Hébreux chapitre 2, le verset 2 à 4 dit clairement que le Seigneur lui-même a commencé à prêcher. Et quand il prêchait, et souvenez-vous de ceci, il n'y a pas de prédication de la Bible sans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Personne n'a le droit d'aller annoncer la parole de Dieu sans au préalable être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la Bible. Personne. Si quelqu'un fait cela, il s'engage dans un territoire. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, la prédication, c'est une puissance qui est bombardée dans le camp ennemi pour retirer les captifs de Dieu qui se trouvaient dans le camp adverse. Et pour que ça soit ainsi, il faut que ça soit accompagné du Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit vivant pour pouvoir séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moi, il faut que ce soit vivant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit ponctuer ça par un amen. Doit venir confirmer la chose. C'est ça, frère? Ok. Si ça ne se passe pas ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont pris des philosophies humaines maîtres, prennent les esprits impurs, les esprits sataniques. Donc, les gens ont acheté le pouvoir, la puissance chez Satan. Donc, il y a des gens qui ont des poudres pour prophétie, des poudres pour autre chose, des onctions pour ceci. Il y a même chez les catholiques ce que vous appelez l'antipoison. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Vous allez chez un prêtre, il te dit, va à la boutique là-bas, il y a l'antipoison. J'ai vu. Je suis allé quelque part, on m'a demandé de prier pour quelqu'un. Celui-là, il y avait un prêtre orthodoxe qui attendait là-bas. Il avait le marabout dans le couloir. Il y avait ce que le prêtre avait envoyé. Le prêtre est venu avec sa, vous appelez sa mallette. Il y avait le soutane bleu dedans, soutane ceci. Je ne sais pas comment c'est pour ça. Il dit que sortez. Il dit que oui, papa, pasteur, prêtre, il sort. Il s'est habillé en gandoura. Il a fait ce qu'il avait à faire là-dedans. J'ai dit à ces gens-ci que le jour où vous avez décidé de suivre Jésus, je viendrai prier. Il ne sait pas le Dieu du mélange. Ou bien, il croit peut-être qu'il faut que le prêtre prie sa part. Le marabout fait sa part. On prend un peu chez le prêtre, on prend un peu chez le pasteur, on prend un peu chez le marabout pour qu'on ça gagne. Quand ça, s'il y a guérison, vous savez que qui a fait. Est-ce que vous saisissez? J'ai dit à cette femme-là que si ton mari ne se répand pas, c'est ce pasteur, c'est cet homme qui va le tuer. Et trois jours après, il est mort. Je suis venu dire à la maison, je dis à ma femme que cet homme-là va partir à cause seulement de cela. Il est mort. Oh, j'ai vu là-bas l'antipoison. Quand sa femme m'expliquait, elle me dit que non, le prêtre, quand il allait chez le prêtre, a donné la prescription médicale. Qu'il achète l'antipoison. J'ai dit anti quoi? C'est la première fois qu'il entendait quelque chose. Que anti quoi? Il a dit antipoison. Il dit donne-moi, je vois moi aussi. Antipoison. Il y a un antipoison chez les chrétiens. J'ai vu là-bas antipoison. On a dessiné la tête de mort comme ça, que anti. Il dit que comment ça s'est passé? Il dit que je lui ai donné. Quand il a bu, il a vomi beaucoup. Donc effectivement, ça fonctionne. Qu'est-ce qui est donc dans l'anti-poison? Je vous pose la question. Donc il y a des gens donc, qui ont les savons. Il y a des gens qui ont les gouttes. Quand ils mettent la goutte, quand ils te comme ça, si tu as le sépare, ils te voient le sépare. Et quand ils voient comme ça, ils parlent. La chose qui cause ces choses a la puissance. C'est Satan contre Satan qui se bagarre. Souvenez-vous de sept fils d'Exkeva. Ils ont pris un fou qui avait le démon. Eux, ils se réveillent Satan. Ils voulaient chasser le démon de Satan. Souvenez-vous de cela. D'accord? Donc l'apôtre Paul dit ici que le problème c'est l'homme va prêcher l'homme. Voilà l'un des problèmes. L'homme va prêcher l'homme. L'homme va prêcher la connaissance. L'homme va prêcher les livres. Sans prêcher la personne qu'il faut prêcher qui amène la puissance sur la scène. Donc voilà l'un des problèmes qui empêche la puissance du Saint-Esprit de se manifester. D'accord? Continuons donc dans cette 1 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes bénis par vrais frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ma prière c'est qu'au sortir d'ici, que chacun change sa façon de prier. Et que le Saint-Esprit lui-même crée le désir de ces soupirs incommensurables jusqu'à ce que nous ayons pris cette chose-là, cette huile-là de lui. On y va. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les. Donc il dit, écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Je veux que nous y allons vraiment doucement. Au départ, il dit qu'il n'est pas venu prêcher la sagesse humaine, les philosophies. Mais il est venu prêcher comme ça le témoignage de Jésus. Et il n'a pas eu autre pensée autre que Jésus-Christ crucifié. Après, il dit ici, verset 6, qu'en réalité, même ça, c'est une forme de sagesse. Et il dit que cette sagesse dont il parle, ce n'est pas comme les sagesses des autres personnes. Cette sagesse, ce n'est que comprise parmi les. Parmi les. C'est terrible. Il vous dit, c'est terrible. Il dit, c'est comprise parmi les parfaits. Quels sont les gens que l'apôtre Paul appelle les parfaits? Oh frère, permettez-moi seulement de continuer seulement, d'accord? Alors, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ceux, ni des chefs de ceux qui vont être anéantis. Plusieurs prophéties. Il dit que c'est si de sagesse. Ça dit que quoi? Quand un prédicateur se met debout, il va commencer à déclarer quelque chose. Les choses qu'il déclare, ce sont des choses en fait des mystérieuses. Comme l'apôtre Pierre dit. Il dit si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un va prêcher quelque chose. Vous allez voir que, mais attends, c'est la même Bible qu'on lit. C'est normal. C'est normal. Il dit que c'est sagesse qu'on prêche. Ce n'est pas de ce siècle. Alors, si nous venons prêcher quelque chose qui est de ce siècle, on n'est pas différent des autres. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la comparaison des religions tout à l'heure. C'est-à-dire que si il vient dire que ne tuez pas, mais ce n'est pas différent. Confucius dit ça. Bouddha dit ça. Les musulmans disent ça. Il dit que ce style de sagesse qu'on prêche, ce n'est pas de ce siècle. Donc, ça dit que dans les générations, on ne peut pas trouver ça. Après, il va avancer. D'accord? Il va avancer. Il dit, nous prêchons la sagesse des dieux. Vous avez vu ça? Mystérieuse. Quand quelque chose est mystérieux, il dit mystérieuse et cachée. Si quelque chose est mystérieux, c'est déjà un problème. Si c'est davantage caché encore, c'est encore un problème. Mais c'est terrible. Il dit cette sagesse-là est mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, frère, on va s'en parler de prédestination. Avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, frère, Dieu, avant d'exister que la terre soit, avait prévu que je vous prêche ce message-ci aujourd'hui. Avant les siècles, c'est ce qu'il a dit de dire. Avant les siècles avait destiné. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Dieu l'avait prévu. Il avait destiné qu'à un moment donné, il y aura un style de prédication sur la terre. Voilà votre prédestination encore. Il dit que cette sagesse-là, Dieu l'avait cachée depuis. Il dit qu'avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Vous voyez votre prédestination encore, frère? Ok, maintenant, avançons. Il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Curieusement, c'est vers eux que l'Église parfois allait prendre des renseignements. On dit que les chefs de ce siècle n'a connu aucun. La Bible dit littéralement là-bas aucun. Donc aucun chef de ce siècle ne peut connaître. Autrement dit, si quelqu'un veut servir le Dieu immortel qui a caché des choses mystérieuses pour nous et a destiné, c'est plutôt vers lui qu'il faut que nous allions pour savoir ce qu'il a destiné pour nous. Pas vers les institutions humaines. C'est ses frères. Dis à ton voisin, si on t'a formé dans une brigade de fous, tu as été enfermé dans un Guantanamo chrétien. Sois libre maintenant au nom du Seigneur Jésus. Il y a la grâce pour toi, la grâce spirituelle pour être libre. Vous savez que les chefs de ce monde signent des grâces présidentielles. Si vous êtes en prison, vous êtes libre. Donc maintenant, vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ok, maintenant, avançons ici. Il dit, regardez bien, sagesse, verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Donc voici la seule preuve qu'ils ne connaissent pas. Que s'ils avaient connu, ils n'avaient pas tué Jésus. Vous dites, non, notre présent maintenant n'avait pas tué Jésus. S'il avait autant de Jésus, il ferait la même chose. Parce que jusqu'à maintenant, s'il n'accepte pas son sacrifice, il ne pourrait pas l'accepter quand il est là physiquement. Donc les chefs de ce siècle ont le même esprit que les chefs de ce siècle-là. Amen. On avance ici. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, quelque chose, des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Écoutez, frère, c'est merveilleux. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Vous voyez encore la prédestination. Les choses là que les hommes ne connaissent pas, Dieu a ça en réserve. Oh, c'est frère, c'est merveilleux. Il dit les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, souvenons-nous encore de ceci. Prenons ce verset-ci et mettons ça en parallèle avec notre verset la dernière fois. Doucement, doucement avec elle. Dans Romains chapitre 8, la dernière fois, nous avons vu en lisant les versets de la fin vers le début. Nous avons lu du début vers la fin. Il a dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une virgule, n'est-ce pas? De ceux qui sont appelés selon son dessein. On est d'accord? Donc, nous voyons très bien que dans le plan de Dieu, il y a des choses qu'il va prêcher plus tard. Dans le plan. Le moment arrive, il choisit les gens qu'il doit le faire parce que ces gens-là sont choisis depuis. Le moment arrive, il les appelle, il les donne ces choses. On dit clairement que ce sont des choses cachées que l'œil n'a point vu, qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme ne peut pas penser ces choses-là. Il faut que ça vienne de Dieu. Et maintenant, la Bible déclare donc que c'est le Saint-Esprit qui sont les profondeurs même de Dieu. Ils sont les profondeurs de Dieu, ils donnent ce que Dieu avait destiné pour nous, pour que nous prêchions. Autrement dit, quelqu'un monte, il descend, il va seulement faire ce que Dieu avait prévu pour lui. Parce que si Dieu a prévu une prédication et qu'il a prévu la personne qui va faire, la personne ne peut faire autrement que de ne pas de prêcher cela. Parce que Dieu, sa volonté va toujours s'accomplir. D'accord, frère Achille? Ok, maintenant, regardons. Il dit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous avez vu là maintenant? Donc, sans l'Esprit, l'homme va rester sur la lettre et par conséquent, sur la sagesse humaine. Pourquoi? Il dit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, la seule personne qui puisse aller chez Dieu, prendre ce que Dieu a destiné pour nous, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous avons besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, on continue. Regardez bien. Et après, il commence à poser la question. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, écoutez très bien. Personne, la Bible est claire. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, question. Si on veut faire les choses de l'Église, et l'Église c'est l'Église du Seigneur, comment pouvons-nous mettre en place les choses par nos propres intelligences et croyances servir Dieu? Puisque l'Église est spirituelle. L'Église de Dieu est spirituelle, pas vrai? Ok. Donc ce sont des gens spirituels. Comment se fait-il qu'on puisse mettre en place des choses physiques avec nos pensées charnelles, mortelles, physiques pour des choses spirituelles? Vous savez, n'est-ce pas? Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Et voici les hommes physiques. On a dit que pour qu'on puisse comprendre les choses qui sont cachées chez Dieu, il faut le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, tu vas imaginer Dieu, tu ne pourras jamais avoir quoi que ce soit. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, regardez bien maintenant. Il dit, oh, regardez bien verset 12. Frère, chez nous, voilà maintenant. Observez très bien la réponse de tout ce que tu as posé comme question. Regardez verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a un esprit du monde. Vous comprenez ça? Donc, plus quelqu'un a soif d'avoir le doctorat, la maîtrise, les ceci, regardez là où ça reconduit. Oh, frère, regardez bien la Bible. Plus quelqu'un a soif pour se développer, être quelqu'un sur la terre. Souvenez-vous de heureux les débonnaires, car le royaume de Dieu, la terre appartient les débonnaires, ceux qui ne veulent pas être les grandes personnalités. Regardez, il dit que, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, frère, on peut recevoir l'esprit du monde. Depuis ici, il est question de l'éducation qu'on vient présenter aux gens face à la puissance de Dieu, Dieu qui se présente en scène. Si quelqu'un va faire l'éducation pour présenter Dieu à la scène, il reçoit l'esprit du monde. Alors, regardez. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que... Donc, regardez bien la conséquence. Ceux qui reçoivent l'esprit qui vient de Dieu, cette réception a un but. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa... Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Donc, on monte, on descend, on peut fermer la Bible, on parle n'importe comment. Tant que quelqu'un n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, baptisé authentiquement, il va monter, il va descendre, il ne peut pas être dans le corps. Première chose, il n'est pas du corps de Christ. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 que c'est Dieu qui a placé dans chaque membre dans le corps. On entre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il n'est pas encore dans le corps de Christ. Donc il n'est pas encore chrétien. Donc dire que je suis chrétien alors que tu n'es pas le baptême du Saint-Esprit veut dire que tu es en train de dissiper une place qui n'est pas tienne. Vous saisissez, frère? Vous me comprenez? Quels sont les chrétiens ici? Les bras maintenant commencent à ralentir. Ah oui, ah oui. Souvenez-vous de ce qu'il dit, ma prière, c'est que chacun rentre avec ses désirs vers le Père. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, je recommence encore ceci. Il dit que nous n'avons pas reçu un esprit du monde, ou bien l'esprit du monde. Nous avons, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin. Nous recevons, afin. C'est-à-dire, par cet esprit, souvenez-vous, en haut, il a dit que car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et il y a des choses que Dieu a cachées en lui-même. L'esprit sonde pour nous les donner. Parce qu'il a destiné ça pour notre gloire. C'est ce qu'il a dit, pour notre gloire. L'apôtre Pierre va dire quelque chose. Jésus va dire la chose de la même façon. Jésus avait dit que les prophètes ont désiré voir ce que vous verrez et n'ont pas vu. La Bible déclare donc dans le livre de Pierre, il dit quoi? Il dit que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous a été destinée ont fait de ces choses-là l'objet de leur investigation. Quand ils ont investigué, ils ont fait l'investigation de Dieu. A dit que, mon gars, tu es fini. C'est pas pour toi. J'ai dit que tu parles. Les gens qui vont venir servir, parler, je viens dans la puissance, c'est les jeunes chrétiens là, de ta fin. Absolument. Parce que ce n'était pas pour eux. Que c'était seulement les dispensateurs de cette chose-là. Que c'est pour nous. Alléluia. Alors maintenant, si donc, on dit que les prophètes ont désiré plonger les regards pour voir ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui, que notre Dieu ne se manifeste plus. Vous pensez que ces prophètes-là ne vont pas nous condamner à la fin? Je recommence encore. On dit les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée, qui nous ont destinés, ont fait de cette sorte-là l'objet de leur investigation, voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient seulement les dispensateurs de ces choses-là. Nous, que c'était nous maintenant. On dit que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit a été envoyé dans lequel les anges désirent plonger les regards pour dire que merde Dieu, c'est terrible. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est au travers de l'église que les dominations dans les lieux célestes vont connaître les sagesses mystérieuses de Dieu. C'est terrible, frère. C'est-à-dire que entre Dieu et Satan en haut, il y a Dieu en bas, il y a quand il y a Satan sur la terre. Ça se discute en haut, il se tourne, regarde, il voit comment on prêche, il gère l'évangile ici. La puissance est manifeste, Satan dit que y'a. Yeah. Mais le démon dit que maître, toi tu dis que tu es fort là, mais en bas sur la terre, c'est grave, il y a puissance et puissance. Est-ce que vous saisissez? Je commence encore. C'est ce que Dieu attend de l'église. C'est ce que les prophètes regardent à l'église. C'est ce que les prophètes regardaient à l'église, ils voyaient. Mais nous, aujourd'hui, comment nous voyons dans cette période? Dieu dit dans cet Apocalypse chapitre 3, verset 14, il dit que l'ange de l'église de la Odyssée. Dis-le qu'ils disent que nous sommes riches. Donc la richesse est notre problème. Souvenez-vous de ce qu'il dit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas en même temps regarder en haut, en même temps regarder en bas. Parce que Jésus a donné un principe. Là où est votre trésor, là sera votre cœur. Point final. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, là où il y a ton trésor, il y aura ton cœur. Donc, ton regard sera constamment vers là où il y a ton trésor. C'est n'est-ce pas? Gardez un peu une fortune. Remarquez, quand il y avait la récession, vous avez comment les gens sont donnés la mort. Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans a fait cotisation, on dit qu'il y a récession. Pendant que quelqu'un dit que la vie m'est dessus, il écrit ici, il monte à l'état, il plonge que dans le vide. C'est n'est-ce pas, frère? Pourquoi? Parce que son trésor était gardé exactement dans cette direction-là. Mais s'il avait compris 1 Timothée 6, verset 17, qu'on met ces choses, la richesse là, on met en Dieu, où il n'y a pas de quoi que ce soit qui puisse garder. Il n'y a pas de récession. Dis à ton voisin, il n'y a pas de récession au ciel. Oui, tu vois, qu'il serait dans la sécurité par rapport à son cœur. Pas vrai? Les gens de crise cardiaque comme ça. Tu entends quelqu'un dire qu'on a perdu l'argent. Tu entends le crise cardiaque que l'AVC. Vous comprenez? Or, c'est l'esprit du monde qu'il a. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin. Je veux que vous compreniez le mot afin. Afin que nous connaissions. Donc, ça veut dire que Dieu invite et Dieu a mis en place ces choses de telle enceinte que si quelqu'un reçoit son esprit, il doit connaître ce que Dieu a destiné pour lui. Frère, c'est ce qui est écrit. Alors, quel est le rôle de chaque personne qui veut. Je vais maintenant utiliser le mot maintenant, puisqu'on est aussi au même pied. On a maintenant compris le piédestal de l'évangile. Ceux qui sont candidats à être chrétiens devraient savoir que s'ils sont chrétiens, ils doivent connaître ce qu'il est destiné. C'est la première parole que Paul a dit. Quand il était en route, quand Jésus a dit que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois. Et il a fait jusqu'à ce qu'il est venu nous écrire ici. Vous savez, frère? Donc, l'apôtre Paul dit ici que, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin. Vous voyez ça? Afin que nous connaissions. Si l'esprit est là, nous allons connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et quand nous connaissons ça, il dit au suivant, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, vous voyez très bien que si quelqu'un va s'asseoir quelque part pour que les humains lui enseignent quelque chose, pour qu'il vienne dire aussi quelque part, c'est une bêtise. Il faut la délivrance depuis les Dinara au Vassia, jusqu'à ce que les Sia au Vassia. Il faut tous la délivrance. Parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui vient sonder quelque chose pour toi. Vous y êtes? Ok, maintenant. Vous permettez qu'on avance d'un pas par la suite. Voici donc la chose. Souvenez-vous, on a vu la première pierre d'achoppement. On met l'institution humaine, l'éducation humaine à la place du Saint-Esprit. On a vu ça, pas vrai? Avançons. Cette parole-ci nous a dit tout à l'heure dans ce 1 Corinthiens chapitre 2 que ce sont des choses que Dieu a prévues d'avance pour notre gloire. Donc ça veut dire que s'il a prévu quelque chose, il a prévu les gens pour ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc Jésus a préparé des œuvres. Il a dit que telle tâche, à telle heure, dans telle période, les telles personnes qui vont venir dans mon corps, c'est telle personne qui va prêcher. Il monte, il descend, il sera là à ce moment-là pour prêcher. La Bible déclare qu'en cette période-là, naquit Moïse. En cette période, Moïse n'a pas décidé de venir à cette période. Dieu, dans son plan, avait prévu que le législateur va naître. À 40 ans, il était toujours là-bas. 40 ans, la Bible déclare qu'il lui vint à cœur. Donc, il lui vint à cœur. Venant de, à cœur, sortant d'où? Il lui vint à cœur de visiter son frère à 40 ans. Quelque chose vient dans son cœur. C'était tes frères. C'est quoi sa frère? Quand il vient, c'est là où il voit toujours la bagarre. Donc, depuis 40 ans, c'est seulement là-bas qu'il est venu voir la bagarre. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient nous révéler. Il lui vint à cœur dans l'Acte des Apôtres, chapitre 7. On dit qu'en venant vers les siens, il pensait que les gens croiraient. Il croyait que les gens devaient comprendre que c'était par lui que Dieu devait révéler. Donc, ça veut dire qu'en sortant pour aller vers les Juifs, il savait qu'il était le législateur. Il parlait de Dieu. C'est ses frères. Alors, la Bible déclare donc que ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Il dit. Écoutons très bien, je veux que vous ne croyez pas que je suis là pour vous frustrer. Je vais dire la parole de mon Seigneur telle que c'est écrit. Il dit, ce sont des choses que Dieu a prévues, préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, la Bible explique dans Romains chapitre 8, verset 28, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. D'accord? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit ici que les choses qu'il a prévues là, c'est pour ceux qui l'aiment. On est d'accord? Ici, il dit que nous savons que du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel dessein? J'ai un projet. Un monde de l'eau sur la terre veut manifester ma puissance. Alors, il a prévu ces choses-là. Il a choisi les gens. Je veux que vous compreniez ceci. Il a choisi les gens. Je vais aller au deuxième effet qui fait que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. J'ai fini le premier cours. Institution humaine, école biblique, les livres chrétiens, entre guillemets, les musiques chrétiennes. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on n'a pas besoin. Observez aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'église. Il faut qu'on joue le piano. Fais quelque chose dans ma vie. Tu vois, quelqu'un fait. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous chanter ça. Attendez, je vais chanter, d'accord? Vous allez voir. Vous allez voir. Quelqu'un va au piano, il ne sait pas comment les signes piano là. Je reconnais que tu fais. Comment quelqu'un ne doit pas pleurer? Comment quelqu'un ne doit pas pleurer? Quand quelqu'un joue une mélodie comme ça là, vous voyez comment le pasteur fait comme ça là? Il a un. Je reconnais que tu peux tout. Tu vois tous tes problèmes se défiler devant toi comme ça. Et que rien n'était impossible. Ah! Vous voyez, chacun doit le dire, oh Seigneur, bonne situation. Alors, pendant que celui-là est au piano, une soeur en train de mettre une voix comme ça, tes problèmes se défilent comme ça. Le prédicateur a le micro. Non, il y a quatre personnes qui se sont décidées derrière pour te traiter avec l'intelligence. Il dit bien, il y a le gars de piano, il y a le prédicateur, il y a celui qui a le prédicateur qui a de parler, il y a le gars de piano, il y a celui qui a la voix raffinée, parce qu'elle a fait les entraînements samedi pour bien traiter. Elle a pris du citron pour raffiner sa voix. Après, tu entends, elle dit, mon frère, ma soeur, c'est le moment maintenant. Ah, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas sortir ici sans que mon mari ne vienne. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, si quelqu'un dit là-bas, si le prédicateur prend le micro, pour dire que fais seulement un pas de foi, c'est un sacrifice parce que donne quelque chose qui va être cher et tu verras que Dieu va faire pour toi. Tu vas donner l'argent de la réunion. Il vous dit. Tu vas donner l'argent de la réunion. Avant de sortir, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai fait par la foi. Tu vas payer l'argent de la réunion là. Résoudre le problème encore là-bas. Pourquoi? On a cru que les choses spirituelles, ce sont les émotions. On a cru que si une musique chante, ça touche mon âme. Alors, je suis agréé au Dieu. La musique de la Bible, ce n'est pas fait pour rendre l'homme heureux, ni que l'homme entend une mélodie mélancolique. Mais c'est pour toucher le cœur de Dieu très haut. Donc, les répétitions de chorale tombent au nom de Jésus-Christ. je veux que vous voyez, jusqu'à présent, je veux que vous voyez le mal que ça apporte. C'est qu'on va faire les répétitions pour que lorsqu'on va chanter, pour qu'on entende, pour que les êtres humains qui sont rassemblés dans la salle entendent que telle sœur chante bien, qu'on a une bonne chorale. Pour que ça amène l'atmosphère, que l'atmosphère soit chargée. Ça veut dire qu'on veut traiter de l'émotion des gens. La musique touche l'émotion des gens. Souvenez-vous, lorsque nous voyons la doctrine de la prospérité ici, je vous ai parlé de Lyric Warren, dont les écrits se trouvent dans les bibliothèques dites chrétiennes. Quelqu'un franc-maçon écrit dans sa Bible, que, dans son document, que la meilleure façon de réveiller les chrétiens, c'est chanter les musiques et incorporer les musiques du monde qui sont habituées. Donc, prends par exemple les musiques de Michael Jackson. Maître, comme ils sont savants derrière ça, on met les paroles chrétiennes pour les réveiller. Écoutez ce qu'un prédicateur dit. Et c'est lui, il dit derrière le livre qu'il a formé 350 000 pasteurs dans le monde. Ça, c'est depuis une certaine année. Je ne sais pas combien maintenant. Si ça a monté à 500 000, comme il est fou, il a la folie, il a reproduit combien de personnes? C'est pour cela qu'il dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile des fous pour former des fous, pour relâcher dans la nature. Donc il dit que ce n'est pas la musique qu'il faut réveiller. Et la Bible déclare que le réveil, c'est par une sincère repentance et les pleurs devant Dieu. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Donc observez, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Les instruments là, ça n'amène jamais Dieu à la scène, ça amène le Dieu moi, le Dieu émotion sur la scène. Alors les pleurs, si elle a pleuré quelque part parce qu'on a chanté ça, sache que tu n'as jamais pleuré, c'est pas pour Dieu. Si quelqu'un est dans la joie qui chante, il n'a pas dit que tu pleures pour dire que tu vas voir ta gloire. C'est pas ça. D'accord? Donc, ça c'était une parenthèse pour mettre dans le paquet de ce que l'homme a fait pour bloquer le Saint-Esprit. Allons à la deuxième chose. La deuxième voie, oh, cette chose, ça sera longue là, mais je vais essayer de couper, mais comme c'est profond, même s'il faut revenir sur une deuxième partie, on va y revenir, d'accord? Mais permettez-moi de dire ceci. Dans 1 Corinthiens 2, nous avons vu clairement que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Et nous avons vu en parler avec Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Après, ça ne s'arrête pas là. Il dit que ceux qui aiment Dieu là, ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. C'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu es appelé selon le dessein de Dieu, tu vas l'aimer. Alors c'est à ces personnes-ci que les choses spirituelles sont réservées. Vous y êtes? Je suis en train d'avancer. Ne vous fâchez pas de moi, frère. Ne vous fâchez pas de moi, soeur. C'est la Bible. D'accord? Voilà. Donc si tu es noir, même s'il dit que les noirs sont comme ça, tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas changer ta couleur. Si on dit que les femmes, tu es femme, tu ne peux pas changer ta couleur. Donc permettez-moi de prêcher seulement. D'accord? Voilà. Parce que je ne veux pas que vous me balancez là, je suis ici. Vous me regardez comme ça. Donc, j'ai dit ici. Il dit que c'est ceux qui aiment Dieu. Il dit ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ne font rien pour aimer Dieu, c'est parce qu'ils sont appelés selon le dessein. Selon son dessein. Et s'ils sont appelés selon le dessein, ils vont l'aimer. D'accord? Ok, maintenant, Romain. Ma soeur, bienvenue, d'accord? Bienvenue. Romain. Chapitre 10. Romains, c'est avant le Corinthien qu'on entend les livres aujourd'hui, bien aimé, pour qu'on aille vite. Ouvrez-moi Romains chapitre 10. Nous allons avancer au deuxième pas maintenant de ce qui bloque la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous, si le Saint-Esprit est là, il te donne ta place. Il te place exactement là. Donc ça ne sert à rien de dire que, frère, quel est mon rôle dans le corps? La question là veut dire que, frère, comment faut-il que j'ai le baptême du Saint-Esprit? Cette question, quelle est ma place dans le corps? Veut dire clairement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que si on nous a le Saint-Esprit, il nous incorpore à une position. Et il nous révèle c'est pourquoi il nous a. On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Tout le monde, on est d'accord? Ok. J'ai dit quel livre? Romains chapitre 10. Il dit bien, gardez bien méthodiquement la façon dont on est en train d'avancer. On a dit que des choses sont prévues. Dieu a fait un plan. Il a prévu que, depuis les siècles, comme l'apôtre Paul l'a dit, il a prévu ça à certaines personnes. Et il dit que ce n'est pas par la sagesse qu'on le connaît, on a accès à ça par l'Esprit de Dieu. Et si à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vient pour que nous connaissions ce qu'il a préparé pour nous. Il a dit que ce n'est pas pour tout le monde. Il dit que c'est pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu donc, sont appelés selon son dessein. Je vais montrer le deuxième mal qui est empêché et qui empêche le Saint-Esprit de le faire. Vous y êtes? Je ne dois pas nulle part aller chercher. C'est dans la Bible que ça se trouve. On y va, on avance. Verset 14. Disons, regardez bien. Écoutez très bien. Ce sont des questions qui sont posées et on est obligé de les répondre. D'accord? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On a posé la question que comment quelqu'un va invoquer Jésus-Christ s'il n'a pas cru en Christ? Vous y êtes? Comment invoqueront-ils? Parce qu'au verset 13, il a dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Après, on dit ok. Vous dites, voici la prédication. Christ est mort pour que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? Après, on dit donc, comment quelqu'un peut-il invoquer Jésus-Christ s'il ne croit pas en Jésus? en Jésus. Comment donc tu vas l'appeler pour qu'il te sauve si tu n'as pas cru en lui? C'est une question. La question n'est pas finie. Après, il dit, regardez bien, c'est une suite de questions qui sont liées. Après cette question-là, c'est-à-dire qu'on va suivre ce sens de questions. Quand les questionnements vont finir, on va prendre les questions maintenant dans l'autre sens, en rentrant plus tôt. D'accord? Il dit ceci. Les questions vont de 14 jusqu'à ce que ça se termine en bas. On va finir de lire, on va prendre les questions depuis le bas jusqu'à haut. Vous allez voir la chose là maintenant clairement. D'accord? On dit donc, comment donc les gens vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? C'est une première question. Comment quelqu'un va invoquer Jésus s'il ne connaît pas que Christ est mort pour lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, quelqu'un ne peut pas rester comme ça là. Pour que quelqu'un croit, il faut que quelqu'un vienne lui parler. On est d'accord? Ok, avançons, regardez bien. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui... Oui. Et pour que cette personne-là qui vient pour parler, pour que les autres s'y croient, il faut qu'il soit quoi? Un prédicateur. Avançons, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le problème commence à poser. Il doit avoir un prédicateur qui est censé prêcher quelque chose. Les gens doivent l'entendre pour pouvoir croire. Mais ces prédicateurs doivent être... C'est un problème maintenant. Alors, si quelqu'un n'est pas envoyé, par conséquent, il ne peut pas prêcher la vraie chose. Par conséquent, les gens ne vont pas croire en celui qu'on devait croire. Alors, Jésus avait dit ça autrement. Au dernier jour, ils se lèveront. Ils se lèveront des faux Christ. Il ne dit pas faux Christ, ils vont dire que je suis Jésus-Christ. Christ veut dire ancien oint. Des faux oints qui vont se lever. Donc, quelqu'un va se décider comme ça chez lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait le business. On ouvre une chose, une structure. Parce que l'église, l'argent qui entre, l'État ne contrôle pas la TVA. Il n'y a pas de TVA, ça c'est brut. Si tu touches 1 million de dîmes là-bas, c'est 1 million. Ça, 19,25% ne va nulle part, frère. C'est terrible comme commerce. Alors, la Bible déclare que des gens vont s'asseoir à la maison, ils vont calculer, ils vont se lever. Et il dit faux Christon, les fausses onctions. Les fausses onctions sont sur la scène, prêchant une autre personne. D'abord, dès le départ, ils ne sont pas envoyés. Par conséquent, ce n'est pas Christ qu'on a fait de prêcher. Vous savez, moi? Alors, c'est plein dans la Bible. L'apôtre Paul, dans chapitre 20, dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira, il s'élèvera du milieu de vous, des loups ravitaires qui ne perdront point les troupeaux. Vous entendez ça? L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qu'ils a racheté, attireront sur une urine soudaine. Il dit, plusieurs les suivent. Oh frère, quel heure nous vivons? Il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Remarquez bien le mot, par cupidité. Donc le motif de le fait qu'ils s'élèvent, c'est pour faire quoi? C'est pour ça que le pasteur a témoigné ici qu'il y a plusieurs là dehors, ils ne sont sûrs pas des lames, mais ils sont là pour du business. Il dit que c'est de la frappe. Vous avez suivi ce qu'il a dit ici la dernière fois? C'est ici, frère. Alors, ça veut dire que quoi? On n'est pas prédicateur par formation. On est prédicateur par prédestination. Parce que la Bible est claire, les choses qui sont censées venir annoncer sont des choses que Dieu a préparées d'avance depuis des siècles. Et à un moment donné, c'est pour ceux qui l'aiment, donc ceux qui l'ont appelé selon son dessein. Il faut avoir été appelé d'après le dessein de Dieu. Frère, on est loin là maintenant. On est loin. Est-ce que vous comprenez? Alors, voici donc la preuve. Donc, au milieu de nous, il y a des problèmes de ces choses. Voici la preuve. La dernière fois, nous avons vu que quelqu'un ici, dans cette ville-ci, est quitté des prophètes. Il allait à apôtre. Vous savez que ce n'est pas biblique. Comment est-il quitté des prophètes à apôtre? Voilà, nous y voilà. Donc frère, merci beaucoup, salut, que le Seigneur te bénisse. Donc c'est comme si qu'il est apôtre, des prophètes à apôtre, c'est comme si on enlevait dans son bras. On a déposé sur son pied, on a mis le pied à la place du bras. Imaginez un corps qui marchera comme ça là. Vous ferez quoi là? Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul recommande que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Il dit dans Saint-Romain, chapitre 12, d'abord, que celui qui est appelé à son ministère s'appelle à chaque à son ministère. Donc, il y a même oublié. C'est pas lui seul. Il y a des dévolutions de postes dans l'église aujourd'hui. Quelqu'un qui est déjà, tu dis que tu n'es plus diacre, ça fait 5 ans que tu es diacre. Il dit non. Il commence à gréver dans l'église, il se fâche. Pourquoi il devait maintenant ancien, que ça fait longtemps que je suis diacre? Il veut maintenant être ancien. Quand il est ancien, il dit que maintenant, je vais devenir pasteur. Tu dis qu'on l'a affecté là-bas parce qu'il est devenu pasteur. Vous voyez la progression humaine? Donc, les grades se passent comme chez les militaires. Il faut faire la CAT1, CAT2, CAT3 pour pouvoir avoir les grades de caporal, caporal chef, sergent chef. Donc, c'est ça qui se passe dans l'église du Seigneur. Or, les choses ici, ce n'est pas éligible de l'air humain. Ce n'est pas l'air humain qui fait. Ce n'est pas la main humaine qui le fait. C'est Dieu qui prédestine. Alors, l'apôtre Paul dit ici, comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle de cette personne qu'il faut croire? Et comment parleront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc la chaîne de retour, c'est ceci. Il faut que Dieu choisisse un prédicateur. S'il le choisit, le moment arrivé, il envoie. Et quand le prédicateur vient, il prêche une seule personne. Une personne en qui on doit croire. Vous voyez encore la chose commence à rejoindre le premier parti, n'est-ce pas? Il doit prêcher la personne en qui on doit croire. Je n'ai eu parmi vous autre chose, autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, il pouvait prêcher ça aux Corinthiens, parce que l'apôtre Paul dit de lui-même, parce que ce verset-là, ça a pris effectivement à lui. Mais lorsque plus celui qui m'avait mis à part, dès le sein maternel, de me révéler en lui Jésus-Christ, ou ouais, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul avait été prédestiné à être l'apôtre. Quand le moment arrive, il prend la prédication pour venir révéler. Il dit qu'en lisant cette chose, vous pouvez savoir le mystère que j'ai de la révélation de Dieu, pas vrai? Quand il vient prêcher, il prend effectivement c'est Jésus-Christ, Jésus qui est crucifié. Et la conclusion, c'est que le don du Saint-Esprit se manifeste. Vous êtes avec moi? Vous pouvez permettre que j'avance toujours. Donc nous comprenons donc deux choses principales. Éloigner le Saint-Esprit. Deux choses principales. Des gens ont mis la sagesse de l'homme, les choses de l'homme à la place du Saint-Esprit. Donc les institutions ont remplacé la formation du Saint-Esprit qui se forme dans le tas. C'est n'est-ce pas? C'est une chose. Dans cette formation, notez les écoles bibliques, les livres chrétiens. Alors, comme il a dit la dernière fois, il y a des dénominations que chaque mois ou même chaque semaine, il y a des livres qu'on doit lire. Par conséquent, c'est ça qu'on doit lire. Et la Bible est à côté. Donc, on lit ça en se référant dans la Bible. On ne lit pas la Bible en se référant là-dedans. C'est différent. Donc, cette chose-là a pris la place de la Bible. Or, maintenant, voici autre chose. Observez bien ceci. Plus il y a les écrits dits chrétiens, plus le Saint-Esprit s'amoindrit. Pourtant, les gens qui avaient ce Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il a dit à Timothée en venant prendre le parchemin. Il devait prendre le rouleau par exemple d'Isaïe pour qu'il lise. Il dit que comme il est écrit, l'apôtre Paul c'était un verset, il dit que comme il est écrit, ce sont les choses. Comme il est écrit. Il ne parle que ce qui est écrit par rapport à ce qu'il a voulu dire. Il ne cite que la parole qui a été déjà d'avance. Donc, il n'avait autre chose autre que la parole. Alors, il ne pouvait pas s'annoncer lui-même, il va annoncer la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est. Alors frère, nous sommes loin à milieu de penser vraiment que on peut ne pas accepter ceci, mais c'est la réalité. Si Christ vient maintenant, la majorité ne partira pas. Parce qu'on a bu sur un arbre, on a mangé des fruits sur un arbre qui n'est pas bon. Un arbre qui était de mauvais arbre. Et si on mange de cet arbre-là, ce n'est pas possible qu'un mauvais arbre produise de bons fruits. Et même si vous faites n'importe quoi, longtemps après, l'arbre est d'abord mauvais pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut seulement couper cet arbre. Jésus a dit que toute plante qu'il n'a pas plantée, le Père sera déracinée. Il n'y a pas de transformation à faire. Il faut être, qu'elle soit déracinée. Alors, si la plante de la formation humaine n'a pas été plantée par Dieu le Père, il faut que ça soit déraciné. Si dès le départ, c'est Christ et Christ crucifié qui présentait, amenait l'esprit à la scène, ça sera comme ça de la même façon chaque fois. Parce que c'est le témoignage de Christ, la prédication de la croix qui amène la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, frère. Deuxième chose, les gens se sont autoproclamés. Ils se sont levés. C'est ça. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc les prédicateurs sont envoyés. Vous dites, comment tu es pasteur? J'ai fait ma formation à l'université du Réma. De tel grand docteur, tu connais tel grand homme de Dieu. Tu ne connais pas, tu n'as pas entendu parler. Il veut te convaincre là-bas qu'il soit du bon endroit. Alléluia. Voici mon diplôme. C'est telle personne qui a signé mon diplôme. Tu le vois, tu vois, quand j'ai un pasteur, tu vois une grande photo de famille là-bas. Avec quoi? Avec les toges. Tu passes chez un franc-maçon, chez un avocat. Tu vois quoi? Une grande photo avec les toges. Donc, les pasteurs ont les toges des sorties. Ils ont les mémoires de fin des sorties. Il dit que, voici par exemple la thèse qui soutient de la problématique polyenne par rapport à l'enseignement de la femme dans l'église. Il faut qu'on débatte ça. Il soutient ça. Donc, la parole de Dieu est débattable par un conseil humain. Voilà par exemple une thèse que quelqu'un soutient. Après ça, on lui dessine un doctorat PhD, doctorat chrétien, mention très bien. Donc les êtres humains, ça sert comme ça là. Tu parles, ils te suivent. Ils ont la carrière de juger ce que tu as dit qui est bon et vrai. Ils te dessinent le doctorat. Que désormais, nous décidons que tu es un docteur de la parole. Frère, c'est la Bible. Dis à ton voisin, ils doivent être envoyés de Dieu. Et s'ils sortent, ils sont envoyés de Dieu. Ils sortent de l'université de Dieu. Là où il n'y a pas de diplôme de fin de formation. Il n'y a pas de toge et d'école pastorale. Il n'y a pas d'arrondissement de notes. Mais il y a la dure épreuve d'apprentissage dans la souffrance et dans l'humilité. C'est frère. Donc l'Église a vraiment besoin du revêtement du Saint-Esprit. Nous avons vu deux choses qui créent l'obstacle. Prenons le type, notre modèle parfait, le Seigneur Jésus. Écoutez très bien. Je vais lancer ici une sonnette d'alarme pour calmer nos frères, pour nous calmer. Ce qu'on a appris dans les dénominations et par ricochet dans la religion, c'est ceci. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, il faut commencer à parler de Christ autour de toi. Il faut sauver tes voisins. Sache que ton Jérusalem, c'est ta maison. Tu as entendu ça? Non, sache que tu fais partie de la grande commission. J'ai dit, n'est-ce pas? Où est-ce que les gens partent ramasser ça au juste? Où est-ce qu'on part ramasser cela? Je vais prendre un exemple. Vous voici, la majorité d'entre vous avez 20 ans dans la foi. Je pose la question, qui est encore chrétien? Personne ne lève le doigt. Donc depuis 20 ans, là, vous n'êtes pas chrétien. Et depuis ces 20 ans, on dit que vous êtes dans la grande commission. Ceux à qui la grande commission avait été donnée, avait été dit d'attendre, ils ont suivi. Quand ils sont venus, ils sont allés faire la commission comme on leur avait dit. On est d'accord? Prenons donc le type du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui vient sur la terre. Je vais vous montrer seulement un endroit pour que vous ne faites pas cette erreur-ci. Le Seigneur Jésus Christ naît en Judée comme il avait été prévu. Oui ou non? Pendant qu'il naît, il est dans la crèche, il tête le sein des marins. Les gens meurent. Oui ou non? À l'âge de 12 ans, il va au temple, comme tout le monde, il fait. En rentrant, certainement, les gens sont morts dans le monde. Oui ou non? Il rentre dans l'obéissance, il grandit doucement, doucement. Les gens meurent. Oui ou non? À l'âge de 29 ans, il remet en attendant. Les gens meurent. Oui ou non? Jusqu'à ce qu'ils soient baptisés. Et le Saint-Esprit vient avant que le ministère commence. Étant sur la terre, à 2 ans, il parlait, on ne peut pas le confondre. Pas vrai? Étant petit, il parlait à sa mère et son père. Regardez comme ça que celui-là, c'est un autre niveau. Pas vrai? Pourquoi étant petit, il ne sauvait pas tous ces gens-là? Parce qu'il avait un but. Il y a un temps pour tout. Si quelqu'un meurt avant qu'il ne vienne prêcher, c'est son problème. Dans le plan de Dieu, il devait mourir avant qu'il ne vienne enseigner. Quand il est venu enseigner, il a commencé à prêcher. Ceux qui devaient sauver, il les a sauvés. Il est entré là où il y avait les malades. Il a passé au milieu des gens qui voulaient sauter tout mou, borsé pour tomber dans l'eau. Il allait vers celui qui devait sauver ce jour-là. On dit, sachant qu'il était malade depuis. Donc il connaissait sa condition depuis 38 ans. Il a dit, lève-toi. Après, il a passé au milieu des gens. Pendant que quelqu'un faisait tchou, il a esquivé. Il a traversé. Ceux-ci n'avaient pas besoin de guérison aussi. Quelqu'un dit, Dieu faisant toutes choses. Je sais que c'est un seul amen. C'est-à-dire que quand on est sauvé, on a besoin que son père soit sauvé, que sa mère soit sauvée. Je vais vous montrer encore pour que vous voyez. Voici Abraham. Voici son frère. Voici son autre frère. Voilà son père là-bas qui fait papa, grand-père, sauve mes filles Abraham. Sarah n'a pas d'enfant. Le marabout dit à le père d'Abraham qu'on a attaché son ventre. Donc le sacrifice, il a déjà fait. Souvenez-vous, c'est la Bible ça. Il fait des sacrifices, ça ne donne pas. Sarah n'a pas d'enfant. Dieu qui avait appelé Abraham. Viens, voici Abraham. Voici son fils, voilà son frère. Maman. Son père est là. Abraham, quitte la maison de ton père et va dans un pays qui lui était dit. N'as-tu pas vu celui-ci? N'as-tu pas vu celui-là? N'as-tu pas vu son père? Vous avez Abraham quelque part dit que non, Seigneur, si tu veux me sauver, sauve mes parents. Si tu veux me sauver, sauve Nakor. Vous avez des bêtises comme ça? Abraham savait que c'est l'élection depuis la fondation du monde. Point final. Dieu fait son choix, il fait son choix. Non, Seigneur, sauve ma famille. Il n'est pas sur ma liste. Sauve ma famille. Il n'est pas sur ma liste. Tu vas pleurer comme ça. Le jour où tu vas comprendre, tu vas regretter tes larmes. Ce qu'il a connu d'avance. Je vais seulement vous montrer ces choses-là. Il vient, il choisit Abraham. Abraham a des frères. Il dit, sors, quitte la maison de ton... À partir de ce moment-là, il montre clairement que venir à lui, ce n'est pas élection. C'est lui qui doit choisir. Et quand il est choisi comme ça, là, c'est pourquoi c'est dans un périple, dans un monde inconnu que tu ne connais pas. Donc, c'est lui qui maîtrise. Il ne dit pas que Abraham, tu vas passer par en Afghanistan. En arrivant, tu vas prendre quelque chose. Il dit que quitte. Et va vers un pays qui va te montrer. Il reste tranquille. Ton rôle, c'est de faire quoi? De quitter. Comme il a dit quitter. Tu quittes. Tu dois quitter. Donc, dit l'appel est personnel. Individuel. Ce n'est pas familial. Quand c'est familial, il le dit clairement. Quand un apôtre, quand le geôlier est venu se présenter devant l'apôtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit a parlé. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et cette nuit-là, à chapitre 16, lui et toute sa famille avaient été sauvés. Sa règle à connaître. Crois et tu seras sauvé, toute ta famille. Il est venu. Sa famille et ses amis ont été sauvés. Avant de résister, ça pleure devant Dieu. Toi-même, tu es là. Tu ne sais pas devant si tu es sauvé. Tu pries pour ta famille. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. On est tellement zélé que on croit que c'est nous avons un effort à faire pour sauver les gens. Souvenez-vous ceci, je vais ralentir votre zèle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour que vous compreniez que la première chose à faire, c'est d'examiner vous-même que vous soyez en règle. Vous dites, les gens sont en train de mourir dehors. Vous savez, quand vous parlez que les femmes ne doivent pas enseigner, c'est parce qu'on dit non. Les gens sont en train de périr dehors. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes dans la perdition déjà. Ils croient que le fait que les femmes enseignent, quand elles enseignent, ça, les gens ne périssent pas dehors. Avant qu'elles ne viennent pas, les gens ne périssent pas dehors. Il y a un problème. Si Dieu veut que quelqu'un périsse, il va périr. Si Dieu a destiné que quelqu'un soit sauvé, tu montes, tu descends. Ou même la personne monte, tu descends, il va être sauvé. C'est Dieu. Il n'y a personne dans cette œuvre. N'est-ce pas, Philippe était en train de faire un réveil, une campagne de réveil en Samarie. Il y avait toute une population. La Bible déclare qu'il touchait les marins, les gens sortaient et criaient. Dieu l'a enlevé là-bas, en milieu de campagne, sans qu'il y ait des protocoles, sans que les hoches ne disent n'importe quoi. Il a enlevé tout simplement, il descend à Azoth. Il a enlevé Philippe au milieu d'un beaucoup de personnes pour l'envoyer vers combien de personnes? Une personne. Et souvenez-vous, après avoir salué, sauvé cette personne-là, il n'est plus rentré là où il y avait la campagne d'évangélisation. Oh frère! Il est plus rentré là-bas, il a continué dans un village, continué à évangéliser, il passait. Il a oublié que le programme était de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le programme de Philippe. Saint-Esprit l'a envoyé là-bas par persécution. Il a prêché, les gens ont été guéris. Les gens ont été mal... Il a délivré les gens. Le moment où Saint-Esprit est arrivé, il a enlevé, il a envoyé plutôt le nid d'Éthiopien. Quand il a fini là-bas, il a continué dans le village. Il s'en fout de l'autre côté là-bas. Il n'a pas dit c'est l'église de Philippe que Pierre ne tentez pas de venir faire autre chose que vous faites ici. Ne venez pas déposer dans votre église. C'est moi qui ai prêché aux Philippiens, aux Samaritains. Vous entendez, vous quittez Jérusalem, vous venez mettre autre chose là-bas. C'est votre église. Il a dit ça, frère. Il n'est plus jamais passé par là-bas. Il a continué sa route. Pourquoi? Parce que c'est l'église. Quelqu'un dit c'est l'église du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand il y a campagne d'évangélisation, déjà, la campagne d'évangélisation, c'est une invention satanique. Je recommence encore ça. La campagne d'évangélisation, grande nuit de prière, impact 2000 à Douala, le seul impact, c'est qu'on a dépouillé les gens. Il dit, le seul impact qu'on laisse, c'est que les gens, les familles pleurent. Les femmes surtout pleurent de l'argent de nourriture qu'ils ont coupé et gardé. Et aller donner pour la semence, pour la semence sacrificielle. Quelqu'un dit sacrificielle. Donc on va donner le sacrifice pour que Dieu entende nos prières. Que sème ma soeur, sème, ne te fâche pas. Comment tu vas pouvoir te fâcher alors qu'on a été dépouillé? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc le seul impact qu'on reste, c'est ça. Les campagnes d'évangélisation, vous allez beau fouiller votre Bible, vous ne verrez nulle part les campagnes d'évangélisation. L'homme doit être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'envoie où il veut, quand il veut. Il décide quand ça commence, quand ça finit. Vous n'y verrez pas une chose organisée. La Bible déclare clairement que l'apôtre Paul passait, il voulait entrer en Asie. L'Esprit de Dieu ne les a pas permis d'entrer là-bas évangéliser. Si vous comprenez? Quelqu'un dit que l'année prochaine, on va faire une campagne d'évangélisation là-bas. D'autres ont même fixé pour eux. Ils ont dit que Shiloh, chaque fin d'année, il y a un Shiloh. Et Dieu est censé venir là-bas, qu'il le veut ou pas. Donc, c'est eux qui ont programmé Dieu. L'autre dit que chaque fin d'année, souvenez-vous, chaque fin d'année, parce qu'on sait même que la fin d'année, les gens sont dans la joie. Les gens ont combien de choses qu'ils vont manger. Et les gens savent que non. Pour que la nouvelle année commence, il faut qu'ils veillent à l'église. Je fais des choses pour que Dieu ait pitié de moi, pour que la nouvelle année. Ça, il veut formater sa conscience. Il est pécheur et il demeure pécheur, même si l'année passe, il a fait des sacrifices. Parce que vous connaissez. Alors, ce n'est pas par les œuvres que nous aurons fait. Alors, ça se passe chaque fin d'année. Allez, suivez seulement les radios dites chrétiens. Grande campagne, grande nuit de la traversée. Non, c'est une nuit qu'on va traverser d'un jour à autre. À l'église Bethel, à l'église de Philadelphie, à l'église la manne cachée, à l'église le royaume de gloire, à l'église l'épisode du Saint-Esprit, ainsi de suite. Dans cette nuit-là, on traverse. Chaque année, les gens traversent à arriver à Canaan. Quand les juifs, la mer s'est ouverte, ils sont traversés, ils arrivent dans un territoire. Personne ne traverse, ils arrivent quelque part, chaque année. Pourquoi? La culture d'argent. La culture. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité. Le motif, c'est cupidité. Vous me saisissez, frère? Plus seulement, non! Souciez-vous de votre voisin. Dans Jérusalem, c'est ta famille. Dans Judée, c'est le voisinage. En venant, viens à l'église avec eux. C'est un prédicateur qui parle comme ça. Quelqu'un qui s'est dit envoyé. Il vient à l'église. Il ne connaît même pas que l'église, ce n'est pas un lieu. Viens à l'église, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si tu amènes 3 personnes, l'autre amène 3 personnes, ils sont 10, ça fait 30 personnes qui vont venir. Même si on dit, donne 1000 francs. 30 fois 1000 francs, ce n'est pas rien. C'est frère. Il dit 30 fois 1000 francs. Ce n'est pas rien. C'est quand même 30, mais pas vrai, frère. Voilà. Alors il faut qu'on fasse attention avec ces choses-ci. Les choses de Dieu, ce n'est pas vendable. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais voici la chose. Voici la pierre d'achoppement. C'est que le Seigneur Dieu du ciel reste calme, comme s'il ne faisait rien, comme s'il ne voyait pas. Lorsqu'il se lève pour parler, les morts s'ensuivent. C'est-à-dire quoi? On a comme l'impression que Dieu laisse les choses impunies. Quand il est dans le silence, quand Dieu est silencieux, c'est plus dangereux. Je vous prends un exemple. Si vous avez un ennemi, quelqu'un vous a fait du mal, il est à côté de vous, vous restez seulement tranquille, vous voyez, quelqu'un vous a fait du mal, vous faites du mal à quelqu'un, vous savez que ici là, quelqu'un réagirait comme ça. Il est calme, tu es en train de dormir, tu ne peux pas dormir. Parce que tu vas t'attendre que si tu ris, il attend que tu veuilles, il t'assomme à tout moment, donc tu dois être éveillé. Tiens ton voisin, quand Dieu est dans le calme, il est plus dangereux. Il est le plus dangereux quand il est calme. Parce que quand il entre en scène, il surprend. C'est ses frères. Donc c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est dans le Nouveau Testament que c'est écrit comme ça. Non, Jésus-Christ, il va comprendre. L'église de Dieu est apostolique. L'église de Dieu est saint. L'église de Dieu est sans tache, ni rien de semblable. Donc tous les gabégies humains, tous les ajouts humains qu'on a eu là, ça doit faire place. Le Saint-Esprit veut prendre possession des cœurs. Le Saint-Esprit veut prendre possession des cœurs pour manifester le royaume. Ça ne sert à rien de citer. Nous sommes la lumière du monde en vivant dans les ténèbres. Comment quelqu'un peut dire je suis la lumière du monde, il vit dans la fornication? Ça a un sens. Comment quelqu'un peut dire je suis le sel de la terre, il passe chez le marabout? C'est comme ça qu'on sale la terre. On n'est pas sel de la terre, illuminer le monde en citant les versets bibliques. C'est en manifestant le royaume. Et le royaume est manifesté par la puissance. Il dit que nous répandons la bonne odeur de Christ. La bonne odeur pour ceux qui sont morts et pour ceux qui sont sauvés. Vous comprenez? Donc quand on arrive là où il y a la mort, la vie de Christ se transcende. Vous ne comprenez pas, mes frères? Il y a un problème. L'aveuglement par rapport à la richesse de la terre, c'est la troisième chose. La troisième chose, c'est l'aveuglement par rapport aux richesses terrestres, les désirs terrestres. Satan a amené l'homme maintenant à vivre plus de la vue que de la foi. Je recommence encore ça, c'est le troisième point. Pour cette première partie, on va s'arrêter sur ce troisième point et on va observer. Souvenez-vous, je vais avancer. Nous parlons de la nécessité du revêtement du Saint-Esprit. C'est la première partie parce qu'on peut arriver. On est en train de regarder, détecter le problème par rapport à ce que l'Église faisait dès le départ, d'accord? Après, on va entrer en plein dans cette chose ici, le Seigneur le permet. Troisième, première chose, des institutions humaines ont pris la place du Saint-Esprit. C'est la constatation que nous avons faite par le Saint-Esprit là dans 1 Corinthiens chapitre 2. Les institutions humaines ont été mises en place. Les gens prêchent Christ par la connaissance. Ne touche pas. Ne touche pas. Les gens prêchent Christ par la sagesse, par la philosophie des hommes, par les choses. Ne touche pas. Alors, les institutions, les louanges et autres là, remarquez très bien tout ce que les hommes ont fait pour que chaque fois, chaque dimanche, chaque mercredi, que les choses se passent à la manière des cultes. On ne compte pas faire culte à Dieu. Quand tu viens, tu t'assois, tu veux, il y a le moment de louange. Les gens coulent d'abord la sueur. Je veux danser pour Jésus. Viens, mais danse. Tu ne danses pas si tu danses ailleurs. Il est le roi dans la vie de tous les jours. Et les sœurs saca là-bas, saca, saca, saca. Quelqu'un dit boîte de nuit chrétienne. Quelqu'un dit boîte de nuit chrétienne. Boîte de nuit chrétienne. Voilà. On a dit qu'on ne danse pas. Il a dit que si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils dansent ailleurs. Ils témoignent contre eux. Je vous le dis. Alors, c'est cette chose-là qu'on a instituée. Après, on fait cela. Il y a le moment des témoignages. Alléluia. Je siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Amen. Amen. Chantons les louanges de l'Éternel. Frère, il faut qu'on fasse attention. Le Dieu que nous servons est saint. Le Dieu que nous servons est saint. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Ces institutions ont pris la place du Saint-Esprit. Deuxième chose, nous avons vu que les prédicateurs doivent être envoyés. Et les prédicateurs sont envoyés pour parler à une certaine catégorie de personnes. Chaque personne a sa portion. Et cette personne qui l'envoie, l'envoie avec un message. Et le message concerne la personne qui est crucifiée. On a vu ça. Troisième chose qui crée l'embrouille et qui empêche le Saint-Esprit. Et ça, c'est le nez de la guerre qui lie les deux premiers. La cupidité. Les biens terrestres. Notez ça. La cupidité. Les biens terrestres. Et le frère Achille, en posant la question, a cité ces versets de Apocalypse chapitre 3. Il dit que Dieu dit, il les invite à acheter de l'or éprouvé par le feu. Dans cette église de Laodicée. Et le contexte est bien situé parce qu'il s'agit de notre période. C'est la dernière église. L'église de Laodicée. Donc la troisième chose, c'est l'occupation de notre intelligence, de notre cœur par le bien matériel. La cupidité. L'occupation. Merci Père. Merci. Notez Luc chapitre 12. Notez Luc chapitre 12. Vous avez noté? Luc chapitre 12. Lisez doucement Luc chapitre 12 à la lumière de ce qui doit être dit maintenant. D'accord? Luc chapitre 12. Les biens matériels. Les biens matériels. Les désirs de s'enrichir. La soif d'être quelqu'un sur la terre. Et le regard qu'on porte sur ceux qui ont réussi aux côtés de nous sont les pieds d'achoppement pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les biens matériels. La soif de s'enrichir. Le désir d'être quelqu'un dans cette terre, sur cette terre. Le regard qu'on porte sur ceux qui sont aux côtés de nous, que nous côtoyons, que nous avons côtoyé, avec qui nous avons grandi, fréquenté, côtoyé journalement, et qui ont réussi sur la terre. Ces regards-là sont un problème et un frein pour le chrétien d'aujourd'hui. On va y arriver doucement. Jésus, dans ce livre de Luc, a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, parce que la valeur d'un homme n'est pas reconnue par les biens qu'il aurait, fût-il dans l'abondance. Jésus donne la définition du vrai sens que l'homme devrait chercher. L'homme vrai ne veut pas chercher sa valeur au niveau des matériels. Donc l'homme devant Dieu n'est pas considéré par rapport au bien qu'il a sur la terre. Plus un homme craint Dieu, plus celui-là il est honoré. La crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. On n'a pas dit celui qui est riche est assez sage, jamais. D'accord? Ok. Donc, les biens terrestres, le regard de l'un envers l'autre, notre voisin, celui que nous avons côtoyé alors que nous grandissions, quelqu'un avec qui nous avons fréquenté, qui réussit, le regard que nous portons avec l'envie d'être comme lui ou d'être plus comme lui. C'est-à-dire, la comparaison de moi avec l'autre par rapport au bien matériel, ce sont des pierres d'achoppement pour le chrétien d'aujourd'hui. Autrement dit, Satan a donné un standard au monde. Il veut que les chrétiens arrivent à ce standard. C'est le moyen de Satan, la séduction. Satan séduit par les biens matériels. Alors, comment il va faire cela? Il faut qu'il y ait toute une publicité autour. Pour être bien dans la vie, il faut assez fréquenter. Pour avoir du travail, maintenant, il faut avoir de bons diplômes. Qu'est-ce qui te fait? Il te fait que tu parles dans le premier point qu'on nous a mis aujourd'hui. Tu fréquentes là-bas pour être quelqu'un. Parce que pour être quelqu'un, le standard est haut. Il faut avoir le MIA maintenant. Tu passes ton temps 14 ans. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu va comprendre. Le raisonnement commence. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné l'intelligence pour que nous fassions. C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Alors je vais fréquenter ça pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, il faut plutôt descendre. Il faut plutôt descendre. Dis à ton voisin, si quelqu'un est sage selon ce siècle, qui devient fou, ainsi parle la parole. C'est pas moi qui dis, c'est pas ma citation, c'est dans la Bible que ça se trouve. Que si quelqu'un pense qu'il est sage, donc plus tu aides le doctorat, sache que là, pour Dieu, tu es fou. Ça dit, si tu es un professeur agrégé, c'est que tu devant Dieu, tu es agrégé de la folie. C'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, Dieu lui il dit que si tu fréquentes, tu es un grand professeur d'université, que les gens te considèrent, c'est que tu es un vrai fou, le premier des fous. Quelqu'un dit, si quelqu'un est un professeur agrégé de philosophie, Dieu l'appelle l'agrégé des fous. C'est pas moi qui le dis, je commence encore à aimer. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit, c'est pas vrai. Vous avez vu ça dans votre Bible, non? Ok, j'ai dit donc ceci. Le bien matériel, les désirs, les possessions, les biens terrestres, la comparaison, souvenez-vous, ne perdez pas ceci. La comparaison que nous faisons entre nous-mêmes et les autres, pousse les chrétiens à défocaliser leur regard sur Christ et focaliser sur le standard fixé par Satan. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit donc, prenez garde que votre cœur ne soit rempli de soucis. Les soucis. Qu'est-ce qu'il veut devenir demain? Mais voici, il est fréquenté. Les gens avec qui il fréquente, c'est tête. Voilà, tchap-tchap. Il est le dernier de la classe. C'est moi-même qui lui montre même des choses. Oh, la vie, c'est injuste. Frère, tu es mal barré. Vous savez, c'est. Écoutez très bien. Si vous devez faire ces choses, c'est ce que la Bible appelle par murmure. C'est ça que la Bible appelle par murmure. Quand quelque chose ne semble pas réussir, à l'instant où tu as compris que c'est Dieu faisant toutes choses. Vous sortez, prenez un exemple. Ésaïe et Jacob sont sortis du même ventre, non? Dieu a choisi qui? Alors maintenant, est-ce que vous avez Ésaïe qui est en train de dire que comme tu as choisi Jacob, comment il veut faire aujourd'hui? Le gars allait se débrouiller là-bas, il avait les bottes. Pas vrai? Ok. Ce que je vais dire, c'est ceci. Si nous comprenons que c'est Dieu qui fait toutes choses, ce sont des murmurer. Ce sont de nous comparer avec les autres. Ce sont de nous comparer avec nous-mêmes. Tu passes dans le miroir, presque quelque chose, tu pars dans le miroir, tu te regardes comme ça. Comme voici, je suis fini. Je suis fini, regardez-moi. Parce que tu es passé quelque part, tu es une femme, quelqu'un t'a dit que maman, comment tu as vieilli comme ça? Quand tu prends ça, tu pars à la maison, la première chose, tu passes au miroir. Tu passes à côté de la voiture, tu guettes la voiture, le miroir de la voiture, puis je suis fini, vraiment, je suis fini. Dis à ton voisin, tu es encore jeune. Dis, tu as encore du temps à servir le Seigneur. Donne ce temps-là au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Frère, je veux que vous constatez quelque chose avec moi ce soir. Nous avons passé beaucoup de temps à servir Satan par notre vaine façon de vivre. Maintenant que toi et moi, nous sommes en contact de la parole de Dieu maintenant, utilisons ce dernier moment de nos vies pour glorifier le Seigneur. Nous avons passé le temps par notre vaine façon de vivre. Souvenez-vous, nous sommes nés dans le péché. Dans nos différents villages, nous croyons servir Dieu par nos religions, mais nous énervions Dieu par nos façons de vivre. Lorsque les temps sont accomplis, il a plu de nous adresser ce message maintenant pour que nous comprenions que l'église de Dieu est sans tâche ni ride, pas de rituel. Alors, c'est le temps qui nous reste maintenant. Souvenez-vous de ceci. Ça a une conséquence claire. Comprenant ceci, il faut une radicalisation. C'est-à-dire qu'il faut une radicalisation claire par rapport aux décisions de nos vies. Utilisons les restants de notre vie, notre temps qui nous reste à servir et glorifier le Seigneur. De telle enseigne que si nous avons passé 40 ans dans le service de Satan, vous dites, oh Seigneur, s'il me reste 2 ans, il faut que ces 2 ans soient pour ta gloire. C'est ça. Donc, arrêtons de murmurer. Non, non, j'ai la face du banquero. Pourquoi pas pour la souris? Je suis venu accompagner les autres. Effectivement. Effectivement. Quand il y a un chauffeur qui conduit la voiture, d'autres sont derrière. Dis à ton voisin, dans une voiture, il n'y a pas de chauffeur. C'est vrai seulement à l'auto-école. Alléluia. Donc, il y a une chose. Dieu nous a fait. Nous avons 5 doigts et tous nous savons cette comparaison que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. À l'instant où tu as compris que les 5 doigts ne sont pas les mêmes, ça veut dire que tu montes, tu descends, il n'y aura personne de semblable à toi sur la terre. Si tu dis que pourquoi moi je souffre comme ça, pourquoi tu voudrais que ce soit l'autre? Pourquoi tu voudrais que ce soit toi qui sois bien et que ce soit l'autre qui soit bien? Dis à ton voisin, tu as ta part de souffrance. Tu as ta part de réjouissance. Chacun a sa part. Comme tu as ton teint seul, ta taille seule, ta voix seule, ta beauté seule, et pour couronner ton empreinte seule. Ainsi tu as ta souffrance et tes moments de joie. Voilà. Donc, et comment on dit que comment le frère, si j'ai fait n'importe quoi, écoutez très bien. Tu peux être chrétien, tu vends ta tomate, tu fais n'importe comment ça arrive, tu t'assois, tu tords ta joue comme ça, là, rien ne se passe. Un mondain dit, il chante, Lady pour la tchouan, tchouan, tchouan, tchouan, tchouan, tchouan, à côté de bas ventre, et le tout est joué. Il mène quelque chose là-bas, il n'est même pas là, il va te demander que, où est celui qui vend ici. Ah oui, en disant, toi, en tant que chrétien, tu commences à murmurer. Il n'est pas là, est-ce que je suis le suivant? S'il veut, ça m'a rendu mourir là-bas. Parce que tu aurais souhaité qu'on laisse chez toi, chez lui, on achète chez toi, mais la personne veut le monde. Et souvenez-vous, et tu as un grand Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. Souvenez-vous, le Dieu que j'essaie, ce n'est pas le Dieu qui donne le bonbon chocolat. C'est le distributeur des persécutions. Quand tu souffres dans mon monde, il souffrait partout dans le monde. Quand tu es venu à Jésus, c'est bienvenu dans ta vraie souffrance. Quand tu souffrais là, c'était pour Satan. Satan t'est mal même parce qu'il sait que bientôt tu vas glisser entre ses mains comme le mâchoiron là. Il sait que quand tu vas sortir maintenant, c'est là où la vraie souffrance commence. Puis encore si tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment le plus ultime que Satan sait très bien que celui si j'ai perdu la main sur lui. Donc je vais lui montrer de quel bois je me chauffe sur cette terre avant qu'il quitte. Donc souvenez-vous de là en train d'arriver. Si vous avez eu les persécutions, vous n'avez encore pas eu. La Bible révèle que c'est justement ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés. C'est pas ça. On n'a pas dit ceux qui acceptent Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Vous savez, n'est-ce pas? Non, ne dis pas que j'ai dormi au lieu sans manger, c'est à cause de Christ. Les gens dorment sans manger sans être chez Christ. C'est pas ça. Si vous avez la lumière de Christ en vous, Christ vraiment vivant en vous, c'est ceci donc, c'est là où la haine parfaite de Satan est. Pourquoi? Parce que c'est seulement là montre tellement que quel que soit ce que Satan fait, tu n'es plus de la terre. Or, quand tu es comme ça, il est potentiellement derrière toi, il te séduit avec les richesses, avec les notes en classe, avec les tricheries, les vols de lumière, les coupures de courant, les vols un peu au marché. Il te sort avec ça pour te tenir. Attends que le Saint-Esprit vienne. Tu vas prendre position par rapport à ces choses-là et tu ne vas plus le faire. Donc, souvenez-vous, la richesse terrestre, le désir de posséder les choses de la terre, la soif à arriver au standard fixé par Satan, la comparaison de nos voisins avec nous-mêmes, notre vie, notre niveau d'éducation, en regardant que notre niveau d'éducation devait nous donner d'atteindre un nouveau standard. Et qu'on ne voit pas cela, on commence à être frustré. On tourne en rond par rapport à Dieu. On fait à Dieu. Ce sont ces choses-là qui font à ce que nos regards soient enlevés de Christ pour fixer sur la réussite, le standard que Satan a fixé. Vous savez, frère, vous saisissez ça. Vous êtes avec moi, hein? Ok. Ce qui fait donc que plus je me concentre à faire tout et tout pour réussir dans, sa vie, dans la vie, plus je vais accomplir les choses par moi-même. Et par conséquent, la personne qui m'a appelé dit, ok, vas-y, quand tu seras fatigué, viens vers moi. Alléluia. Dis à ton voisin, la sagesse voudrait qu'on se tourne immédiatement vers lui. Mais voici ce qui se passe. Je connais une chose, et je sais cette chose, c'est que beaucoup de personnes savent qu'en se tournant vers lui, c'est que nous pensons, il va détruire ça. C'est-à-dire que j'ai fréquenté, j'ai le doctorat en droit, je vais être un brillant avocat. Ils font tout et tout. Il peut prier tout. Sans dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour que je fasse? Il ne peut pas poser cette question. Parce qu'ils savent que s'ils posent la question, Dieu va dire qu'abandonne ton doctorat, première chose. Ils savent ça. Ils savent que Dieu va d'abord dire qu'abandonne ton doctorat. Parce que ça c'était pour toi, c'est pour ta gloire. Maintenant, va en Gelemduka. Là où il n'y a pas de quelqu'un que tu as approché le droit sur lui. Va là-bas, il y a un pygmé là-bas, parle-lui de l'évangile. On n'aime pas ceci. Donc on aime l'amphithéâtre. Donc on va s'asseoir, il y a beaucoup de personnes assises en veste prêchant. C'est ça qu'on aime. C'est-à-dire que quoi? Les gens n'aiment pas consulter Dieu. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est leur Seigneur, mais ils ne consultent pas Jésus-Christ pour le choix qu'ils ont à faire. C'est. Or, ça devrait être Seigneur, où veux-tu que je fasse? Quand Dieu te dit cela, il te donne ton canevas par rapport à ta vie. C'est une chose glorieuse que Dieu te dit, c'est pourquoi tu es venu sur la terre, frère. Et chacun de nous doit répondre à cette question-là devant Dieu. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Toi-même, tu conclues ta bouche que je suis venu accompagner les autres. Déjà, ton voisin, ce n'est pas comme ça. Même si tu es venu accompagner les autres, tu dois trouver ces autres-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va continuer. La suite de ça, si le Seigneur le permet. D'accord? Donc, merci de m'avoir donné ces moments de prêcher ici. Le Dieu qui vous a amené ici vous bénisse, qui vous sanctifie, qui vous garde vous-même. J'ai la salle par ici, ici, ici, ici. Que le Seigneur vous bénisse. Donc dis à ton voisin, les murmures doivent cesser. Les tubes doivent cesser. Vous savez les tubes là, n'est-ce pas? Que frère ça va, Jésus règne. Dis à ton voisin, même si tu ne fais pas de tubes, il règne toujours. Même si ça ne va pas chez toi, il règne toujours. Alléluia. Alléluia. Nous avions notre bien-aimé, notre nouveau frère qui est parmi nous, va se présenter. Pardon, avant qu'il ne se présente, frère, la soeur qui avait des problèmes ici, là, c'est en premier, elle est résolu. C'est résolu déjà. Pas totalement. Non, ça doit être résolu, pas qu'on va plus faire. Attendez d'abord, permettez un instant pour qu'on résolve ce problème. Quand un problème, écoutons très bien, pour qu'on soit clair, d'accord, frère? Quand un problème est posé au milieu de nous, ce problème-là, ce n'est pas une tentative de résoudre le problème. Ça doit être résolu. Ça doit être résolu. Pas que nous allons faire. Donc, si une amende a été donnée et que ça n'a pas atteint, il faut qu'on continue. D'accord? Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne dois pas être en train de parler de cette parole, c'est en train de parler de ces choses-là. Donc, désormais, sachez que s'il y a un problème au milieu de nous et qu'il faut résoudre, il faut qu'on résolve cela. L'urgence est de mise par rapport à cette situation. Quand quelqu'un a un problème et que c'est posé au milieu de nous, qu'on fasse tout et tout pour résoudre. Sinon, nous sommes coupables devant le Seigneur. D'accord, frère? Donc, arrange-toi à ce que, avant le deuxième samedi, à partir de maintenant, que ce problème soit résolu. On est d'accord? Voilà. Donc, nous allons rentrer chez nous. Chacun va rentrer dormir tranquillement chez lui. Imaginez que nous rentrons et dit, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, et qu'elle n'a pas l'endroit pour dormir. Imaginez ça un peu, ce que ça peut faire du Seigneur. D'accord? Donc, que ça soit résolu avant le prochain deux samedis maximum, que ça soit résolu. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.